À août de l'année 2021, voici un enregistrement que j'effectue en compagnie de Mona, que vous pouvez voir à l'écran. Alors, bonsoir Mona, ça va bien? Bonsoir David. Oui, très bien. Excellent. Donc, le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est résilience, solidarité et autonomie, trois choses importantes pour le prochain avenir. Donc, c'est le sujet qu'on va explorer dans les prochaines minutes ensemble. Probablement que je vais poser aussi des questions à Mona là, pour commenter là, la crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe présentement, notamment avec le passeport vaccinal qui est sur le point là, d'entrer en fonction. Mais juste avant de débuter, à proprement dit, je voulais savoir, Mona, si de ton côté, tu voulais faire des annonces. Pas aujourd'hui. OK. L'air bête. Hein? Pas aujourd'hui. Les gens qui me connaissent déjà, les gens me connaissent. S'ils veulent se connecter à moi, ils savent comment. Mais on y va aujourd'hui librement. Bien, c'est bien parfait. Donc, c'est sûr que pour les gens qui te découvriront pour la première fois, on peut leur mentionner que tu es enseignante de yoga et également de pilates thérapeutique et que tu effectues là, également de la consultation, donc pour des gens qui sont intéressés là, à se conscientiser. Et je vais laisser tes coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, comme d'habitude, advenant qu'il y en ait parmi vous qui aurait envie là, d'entrer en contact là, avec toi. Et je peux mentionner aux gens aussi que tu as effectué de nombreuses vidéos au cours des deux dernières années là, sur ma chaîne YouTube. Oui. As-tu plaisir à parler avec David? Bon, bien, tant mieux parce que c'est un plaisir partagé. Et c'est agréable, c'est sûr, de rediscuter ensemble là, une fois de temps en temps, là, au fil des mois, pour faire un petit peu le suivi de l'actualité, des prises de conscience que tu as pu faire aussi. Et puis, de mon côté, je voulais quand même mentionner aux gens que vous pouvez vous abonner à la chaîne que j'ai sur Odyssey. Donc, c'est un site de diffusion vidéo, donc comme YouTube. Et je vous invite à vous abonner parce que vous allez y trouver de plus en plus des contenus exclusifs que j'y diffuse, donc qui vont seulement se retrouver là. Et aujourd'hui, ce que j'ai l'intention de faire avec Mona, donc une partie de l'enregistrement va être disponible sur YouTube, donc quelques extraits, mais vous allez avoir la version longue durée de l'enregistrement que je fais maintenant avec Mona sur ma chaîne Odyssey. Odyssey étant un espace de liberté de communication qui est propice à aller plus loin pour l'étude et l'exploration de certains sujets sensibles, notamment en période de crise où on sait qu'il y a beaucoup de censure qui est faite durant cette crise sanitaire, là, sur certains réseaux sociaux et médias de diffusion. Donc, ma petite annonce est faite par rapport à ma chaîne Odyssey. En fait, je dis ma chaîne, j'en ai deux. vous allez pouvoir retrouver les coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui pour des gens qui sont intéressés à être abonnés et les gens qui veulent aller plus loin là, dans l'étude là, de certains sujets. Donc, pour commencer à proprement dit, donc le thème nous vient de Mona ce soir, « Résilience, solidarité et autonomie ». Trois choses importantes pour le prochain avenir. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à cette idée que ces éléments-là seraient importants là, pour la période qui s'en vient? Comme les idées me viennent en général, c'est-à-dire comme un flash, là. C'est sur du court terme. Hein. C'est vraiment, je vois ça sur ce que je voyais, c'est comme une période d'un an ou deux ans, trois ans, peut-être quatre. Là, le temps est très relatif sur cette planète. Surtout quand c'est de la canalisation, le temps n'est pas toujours exact. Mais c'est clair qu'il va falloir être très résilient. C'est assez évident déjà, on le voit, les gens se divisent, commencent beaucoup de familles qui chicanent, il y a beaucoup de tensions parce que le gouvernement se permet de nous mettre dans des situations de conflit dans les familles, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, il y en a d'autres qui veulent y aller. Tu sais, ça crée énormément de divisions. Puis là, ça nourrit la haine, ça. Diviser pour régner, tout le monde connaît ça. Mais là, on le voit en application. Là. On voit ce que c'est. Là. Avant, on pensait que c'était de la philosophie. Mm-hmm. Mais là, en face. Alors, la résilience devient très importante parce que faut pas se mettre à haïr les gens, ça n'a aucun sens, ni même à manquer de respect aux gens, même si on ne partage pas les mêmes idées. C'est ça une démocratie d'ailleurs, c'est qu'on ne partage pas tous les mêmes idées. Puis c'est riche en idées. Mais la résilience, je voyais ça aussi qu'à un moment donné, ça va devenir évident, là, tout ce qui est, tous les mensonges dans le temps, là, ça va sortir, tous les mensonges, c'est fini, là. Tu sais, je le disais dans les premiers audios avec toi, l'apothéose débarque, c'est la fin de quelque chose. On va le voir, la vérité, sortir, comme on a vu sortir la vérité lors de la Deuxième Guerre mondiale sur ce qui faisait vivre aux Juifs dans le temps, hein. Puis que quand les gens qui dénonçaient ça à l'époque se faisaient traiter de tous les noms aussi, parce que c'est pas vrai, puis c'est pas ci, c'est Non, pas ça qui... exactement. Alors, c'est sûr qu'avec le recul, l'humanité a pris conscience que, entre autres, il y a eu des essais expérimentaux au niveau médical qui ont été faits sur des Juifs et que, suite à ça, il y a eu notamment le procès de Nuremberg pour pas que ça se reproduise. C'est ça. Et... Puis là, ça se reproduit. Maintenant, c'est pas un génocide. C'est pas comment on dit ça? C'est pas antisémite ce qui se passe, là. C'est rendu généralisé. Bien, C'est pas c'est-à-dire que je n'irais pas nécessairement jusqu'à dire un génocide, là, dans le sens que les gens n'ont pas nécessairement voulu, comme le régime nazi, d'une manière délibérée, d'exterminer d'autres personnes, là. le peuple, non, mais c'est pour ça qu'il faut parler de résilience. C'est pas le peuple qui veut nous tuer. C'est le 1% de la planète qui dure depuis des milliers d'années qui veut nous tuer. Tu sais, quand je dis que c'est un génocide qui se passe, qui est général, qui n'est pas présentement, il y a un génocide. Je suis désolée, c'est un génocide qui se passe. Mondial. C'est ça qui est gros à avaler aussi. Donc, la Bien, résilience est importante parce qu'il ne faut un pas... génocide, je veux dire, comment dire, il n'y a pas des gens qui se font tuer à mitraillette ou à machette, là, tu sais, on parle d'un... C'est un coup de pic-pic qu'on tue ou bien un coup de brainwashing. On n'a plus besoin de bombes pour tuer le monde. Ils ont étudié psychologie humaine, hein, ils savent comment faire maintenant, là. Bien, c'est sûr que pour ce qui est des injections, bon, c'est très polarisé sur l'Internet, les médias de masse disent « Non, non, il n'y a pas d'effet secondaire, tout va bien », puis dans les médias alternatifs, ben là, on nous amène un paquet de cas. Fait que c'est très polarisé. T'écoutes TVA, tout va bien avec l'injection, c'est parfait, c'est la solution miracle. T'écoutes les médias de masse, puis là, ils disent qu'il y a plein de monde, plein de morts, etc. J'en connais des gens qui sont injectés, ils n'ont pas nécessairement de symptômes, en tout cas, pour l'instant. C'est sûr qu'on peut dire, ben là, on ne sait pas à long terme, mais Il est là, Lyric. Mais ça, on le saura, c'est ça, je dis, mais moi, pour moi, c'est clair, c'est un génocide, une tentative de génocide. Est-ce que ça va marcher? Le but, c'est de diminuer la population mondiale, tu sais, et puis de stériliser, puis toutes sortes d'affaires en arrière-plan, là. Mais en bout de ligne, si on apprend que, je sais pas, moi, tu sais, il y a 7 milliards d'individus vaccinés, puis il y en a 30 % qui y passent, on commence à parler d'une couple de millions, là. Exactement, mais je me dis si ça serait aussi gros que ça, à un moment donné, les gens, à quelque part, tu sais, ils se réveilleraient, il y aurait quelque chose qui se passe, là. Présentement, je veux dire, les gens tombent pas dans les rues, puis il y a plein de monde qui sont vaccinés, qui n'ont pas eu d'effets secondaires ou qui sont venus à mourir, là. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont eu des effets secondaires puis qui en sont morts puis qu'on ne le sait pas non plus. On le C'est saura ça qui est pas. délicat. C'est vrai, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi que présentement, moi, en passant, je suis la seule pas vaccinée chez nous. Mais il n'y a personne de mort encore, là. Mais je ne le sais pas. Dans 2 ans. C'est le moyen Dans... puis le long terme. C'est plus ça qui, en tout cas, moi personnellement, me préoccupe parce que les essais cliniques ne sont pas complétés pour les différentes compagnies, que ce soit Moderna, Pfizer ou les autres. Et là, ils ont commercialisé ça, puis c'est en étude de phase 3 qui sont en cours jusqu'en 2002 ou 2023, tout dépendant de la compagnie. Fait que moi, ce volet-là, c'est ça qui m'achale, là, honnêtement, là. C'est ça que je veux dire, c'est expérimental, c'est pas fini. On ne le saura pas avant longtemps, les conséquences de ça. Ça va prendre une C'est couple d'années, ça. peut-être 3 ans. Mais attends, mais il y a une chose quand même que je sais, par exemple. Pfizer, là, en 2009, a été poursuivi et a été, comment on dit ça, jugé coupable de malversation, de cacher des informations. On parle de l'H1N1, de l'époque de l'H1N1, là. D'avoir acheté des médecins. Ils ont payé 2,3 milliards. Ils ont eu à payer 2,3 milliards de dollars US à l'époque pour être après avoir été condamné. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je cherche mes mots là. C'est drôle, ils sont encore dans le décor, eux autres, cette année. Moi, dans le doute, je m'abstiens. Écoutez, la vérité, je la connais pas, puis je la saurais pas, parce que vérité, fausseté, vérité, c'est des polarités encore. Puis il y a des gens qui sont vaccinés qui vont peut-être y passer, il y en a d'autres qui sont vaccinés qui y passeront pas. C'est une question de vibration. Si on revient toujours à ce pourquoi on parle, là. Oui, exactement. Mais le point, comme je discutais récemment avec quelqu'un, j'ai dit que le vaccin ait des effets secondaires ou qu'il n'en ait pas. Le point, c'est que derrière l'imposition du vaccin puis du passeport sanitaire obligatoire, c'est que tu crées des nouvelles normes sociales. Tu crées un nouveau système social où ce que la normalité, c'est que chaque individu est scanné lorsqu'il rentre à un magasin ou un restaurant comme un produit sur les étagères. Bon, on Donc, devient. C'est ça. chacun a un code barre, tu sais, un Donner code. un petit numéro. Comment? Ils sont sur le bord de nous enlever nos noms, de donner un petit numéro. Ben, je veux dire, dans l'Allemagne nazie, chaque personne avait un numéro qui était tatoué dans la peau. Il faisait partie d'une expérimentation, les prisonniers. Ben, juifs, ben, c'est un petit peu le même principe. Chaque personne a un code QR, puis ça devient la nouvelle normalité que, par exemple, la personne va s'entraîner au gym, faut qu'il monte son code QR au restaurant, puis là, ça va probablement généraliser aller à l'hôpital un peu partout. Fait que là, après ça, surprenez-vous pas si vous êtes traité comme un numéro, là. Mais pour moi, ce que je vois comme étant plus pernicieux que le vaccin ou les potentiels effets secondaires, c'est la mentalité du système d'être sous le contrôle d'un code qui devient l'identité numérique. Puis peu importe l'endroit que tu rentres, on sait à quelle heure que tu as été parce que tu es scanné à l'entrée puis à la sortie du commerce. Ensuite, il peut y avoir de la géolocalisation en lien avec ça. Fait que finalement, on sait tout sur toi en tout temps, un peu comme le régime communiste chinois qui surveille chacun des citoyens avec un système très sophistiqué de caméras et d'intelligence artificielle, là. Moi, c'est plutôt là que je bloque. OK. Moi, où je bloque personnellement, c'est physique, là, c'est le chantage. Je suis pas capable. Moi, entendre le gouvernement nous faire le chantage, la peur. Quand on essaie de nous faire peur dans la vie, c'est toujours pour nous dominer. Toujours, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est toujours la même chose. Puis dans mon troisième thème, après résilience, solidarité, c'est autonomie. C'est certainement pas pour me faire vivre la peur. Aussitôt qu'on essaie de me faire peur, il y a quelque chose qui se braque chez moi, qui fait non. Puis quand je dis non, regarde ce qui se passe. Ton, Tu te non. réalignes avec les doigts. Pour pas y mettre ailleurs. Pardon. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'achale présentement au mois d'août 2021, c'est toute la campagne de propagande faite par le gouvernement qui est en escalade depuis plusieurs mois. Là, on est comme à l'apothéose, j'allais dire, de ça. On est au plus haut, au sommet, en disant, là, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde, a dit aux gens, le gouvernement fédéral au Canada, que si les fonctionnaires doivent être vaccinés, c'est obligatoire. Même chose pour les gens qui travaillent dans le réseau de la santé au Québec, ça a été annoncé tout récemment. Fait que là, on menace que si les gens ne sont pas vaccinés, ils vont perdre leur travail. Fait que là, on est rendu dans le gros chantage sale, là. Ça, là. Moi, ma liberté s'arrête pas où ce que ta peur commence. Désolée. Moi, quand je détecte de la peur, puis qu'on me parle que oh, ben là, c'est important là, pour que tout le monde soit bien, que toi, tu sois responsable pour pas. Pas capable. Là, ils vont te J'embarque. culpabiliser, ils vont dire que t'es égoïste, tu penses pas aux autres, parce que là, si tu te fais pas vacciner, tu vas le propager. Puis là, Ben ils oui. cherchent à nous manipuler. Puis récemment, Bertha, à qui que j'ai fait des entrevues, a sorti un article de Denise Bombardier, là, qui fait On voir fait toute pour. la manipulation, là. Il disait ça, là, j'ai Oui. écouté. Puis ben, je le trouve solide, Bertolt, parce que moi, je pétais ma coche dans le plafond. Je lis pas Madame Bombardier depuis 30 ans, là. Mais d'entendre cette condescendance arrogante, baveuse, pour qui? Hey, j'avais le goût de dire, mais pour qui elle se prend, cette vieille picouille-là? Parce qu'elle n'est pas jeune, là, en Ben passant. non. Bien pour fine dans ce temps-là, parce que c'est pas vrai que je vais être fine avec du monde comme ça. Je peux être résiliente, là, mais pas avec des gens qui savent ce qu'ils font. Moi, je suis résiliente avec les gens qui sont ignorants de ce qui se passe parce qu'on les tient dans l'ignorance. J'ai aucun problème. Je comprends que le monde ne comprenne pas. Mais elle n'est pas naïve, Ben non, là. elle est éduquée, a du vocabulaire. Fait partie de petites gangs de Oui, sirois. elle fait partie. l'élite Hey, médiatique. non, non. Mais ça va loin, hein, parce que j'ai même moi-même sur ma chaîne YouTube, j'en revenais pas quand j'écoutais Bertha, je l'ai repris moi-même, j'ai tout décomposé une étape par étape ce qu'elle disait, puis j'ai voulu mettre ça en lumière aussi. Parce que, tu sais, elle dit, en refusant le vaccin, le passeport sanitaire, les manifestants, les anti-vax, revendiquent le droit de tuer leurs semblables en les contaminant. Fait que là, tu es rendu dans des intentions criminelles. Tu dis que les gens qui ont été vaccinés samedi passé en manifestant contre le vaccin, le passeport, ils ont l'intention de tuer d'autres personnes, là. Ils revendiquent le droit de pouvoir tuer les gens, les contaminants. Voyons donc. Puis j'y étais, moi, au samedi. Moi, j'y vais au rassemblement. Ça me fait. Il se passe tellement de choses intéressantes pour moi, là. Je ne parle pas pour personne d'autre. C'était tellement loin de ce qu'ils décrivent. C'est incroyable. Mais quand tu étais là, Mona, le 14 août dernier 2021, donc à Montréal, est-ce que, comme le décrit Denise Bombardier, tu as vu une gang d'enragés qui étaient là? Ben non, c'est ça que je dis. C'est l'inverse de ce. Si vous voulez, si les gens écoutent les nouvelles, tout ce qu'ils vont vous dire, inversez-le, c'est simple, puis ajoutez un zéro à tous les chiffres qu'ils donnent. Non, mais c'est facile à. C'est le monde inversé, hein, on le sait. À tous les niveaux, l'information est Oui, inversée. bien, manipulée. Tu sais, elle a dit, oh, il y avait 15 000 personnes. Jean-Jacques Crèvecœur disait qu'il y en avait 125 000. Ben, moi, c'est pas mal le. J'étais dans le rassemblement, puis à un moment donné, quand on est arrivé à la fin pour aller à la place, moi, je voulais pas me rendre. Je finis jamais les manifs. Les OK. rassemblements, je finis pas. Je suis là, puis quand je vois que ça achève, je quitte parce que je veux pas de trouble, puis je veux pas me faire chier avec rien. Alors, on pouvait même pas avancer. On était à 800 mètres au coin de Sherbrooke, puis je sais plus, la place des Arts, puis la place des spectacles. Il y a 25 000 places possibles debout. Fait que s'il y a 25 000 là, puis 800 mètres, plein de monde jusqu'en haut, on peut pas être 20, 15 000, ça n'a aucun sens. Puis d'après moi, c'est de plus en plus. Moi, je suis allée à presque toutes en passant des rassemblements, presque tous. J'ai pas été aux ceux où c'était violent, comme par hasard. Je me suis pas présentée, mais les fois où c'est très pacifique et très agréable, j'y suis. Puis là, on est rendu au moins 125, 150 000. Mais c'est pacifique. Je vous invite à venir, ceux qui ont envie de vivre un triple fun. Les gens sont fins, ça se parle, on échange plein de choses. Il n'y a rien d'intense, il n'y a vraiment rien d'éveillé. Il y a des petits. Il y en a un qui a fait une petite sortie. Il y a toujours un ou deux. Il y aura toujours des gens qui. Mais c'était pas la majorité, là. Mais non, on en est Ben, loin. c'est C'est ça. très relax. Puis je me suis même offert. J'avais soif. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'offrait de boire dans sa bouteille. C'est con. Un petit gêne quand même. Moi, je suis un peu sauvage de nature. C'est pas parce que j'ai crainte du virus, là. Mais je boirais pas dans la bouteille de quelqu'un que je connais pas, mais tu sais, j'ai plutôt été chercher de l'eau. Mais j'ai trouvé le geste incroyable. J'ai fait comme, écoute, non, il y a vraiment pas de problème ici. C'est le fun de vivre autre chose que les. C'est parce qu'on se tape au quotidien présentement. Je sais pas pour vous autres dans le coin, mais nous, à Montréal, les gens, ils n'ont plus d'expression. Ils ont un masque dans la face, puis ils ont l'air bêtes. Ceux qui n'ont pas de masque dans la face, ils ont le téléphone dans la face, pas même le chien puis le téléphone. Il n'y a plus de contact. Il y a vraiment pouf, une coupure, là. Puis Montréal, c'était pas ça, là, il y a quelques années, là, même quelques mois. Les gens ont vraiment se sont refermés dans les petites bulles. Fait que quand on va dans ces rassemblements, moi, quand je vais là, c'est pour me vitaliser, me ressourcer, ça me vitalise en passant. Définitivement, j'arrive chez nous, puis je chante, puis je suis de bonne humeur, puis. Ben, tant mieux. Fait que, autrement dit, la manifestation, quand tu étais là sur place, tu étais bien placé pour en parler. Ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de violence, de débordement, de cassage de vitrines, là. Donc, j'ai filmé pendant 1 minute et demie du monde, là, sans arrêt, en les prenant de dos pour éviter des visages. Je ne veux pas dénoncer, je voudrais pas qu'ils se servent de mes affaires parce qu'on peut tous se faire hacker. Non, je comprends. J'ai filmé pendant 1 minute et demie, ça n'arrêtait pas, là. Ça défilait de large, largeur de la rue René-Lévesque, c'est 4 voies passant, là, tu sais, c'est du stock. Ça n'arrêtait pas, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. C'est une forme, on parle de résilience, là. Pour moi, ça n'est une forme de résilience. Vacciné, pas vacciné, il n'y avait rien. Il y a du monde, je parlais à des gens vaccinés, d'autres pas vaccinés. C'est pas vrai, c'est pas anti-vax, c'est anti-dictature, c'est pas pareil. C'est ça, mais des gens comme Denise Bombardier, ensuite Monsieur L'Écuyer, ensuite Richard Martineau, toute la gang, ils vont dire vous êtes des anti-vaccins, Alors qu'en réalité, toutes les gens auxquels j'ai parlé, qui s'opposent aux mesures, la plupart du temps sont pro-choix. À part Jean-Jacques Crèvecœur, que lui dit « je m'oppose totalement au vaccin », là, mais la majorité des lanceurs d'alerte, que ce soit Jonas Colline, il y en a d'autres aussi, sont plus pro-choix. Ah Fait que, tu ouais. sais, c'est Jean-Jacques, ridicule. il a le droit de penser ça Oui, aussi, tu sais. c'est ça, c'est C'est ça. ça. Accepter la démocratie, c'est d'accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que nous et qui ne prennent pas la même direction. Mais peu importe la direction qu'on prend, si on reste dans ce qu'on cible comme énergie, peu importe la direction que tu prends, c'est pas tant que ça qui est important. C'est ta vibration, c'est ce que tu intègres, puis c'est ce que tu es comme énergie. Tu peux être vacciné et avoir aucun problème plus tard. Tu peux te faire vacciner et avoir plein de troubles. Pas vacciné, tu peux en crever pareil. C'est pas polarisé, là. C'est pas de se polariser qui nous. Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas parce que tu es anti-vaccin. Ben, c'est pas des vaccins, on va arrêter de dire ça. Des Tu es thérapies anti-vaccin géniques. que tu vas t'en sortir. Moi, mon heure de mort, je sais pas, là, tu sais, ça va arriver un jour, puis que je meure de ça ou d'autres choses. Je vais mourir, tu sais. Ben non, exactement. Tu sais, la personne qui est soit vaccinée ou pas vaccinée, dans les deux cas, elle peut mourir d'un accident d'automobile ou d'une autre façon, là. Eh oui. Puis, tu vois, moi, je vais parler personnellement un petit peu, mais Oui. ma position, c'est que je ne veux rien savoir des vaccins. Mais dans ma maison, sur quatre, j'en ai trois de vaccinés. Est-ce que je me mets à faire. C'est ça des tests quand on dit on est testé sur tout ce qu'on dit. Est-ce que je fous la merde dans mon couple? Est-ce que je fais sauter ma famille? Est-ce que. T'sais? Ben non, je vous apprends que non. Ben, moi non plus. De me signer son assurance si jamais il meurt. C'est une blague. Une blague, les amis. C'est pas vrai ce que je dis là. Non, mais moi non plus. Tu sais, ma compagne est vaccinée. Voilà. Mais Puis ça, je continue à être avec elle, puis elle m'impose pas, puis moi je n'impose pas ma façon de voir. Tu sais, moi je suis pour au choix, je respecte les choix de chacun. c'est ça. C'est ça l'avenir. C'est La ça. résilience, ça naît, ça, de la résilience. Exactement. Par contre, elle me rejoint dans le sens que le passeport vaccinal, elle trouve que ça brime les libertés, là, que là-dessus, il pourrait avoir une dérive autoritaire, là, que tu sais, ça peut mener à toutes sortes de Certains buts. vont en avoir une si ça passe. Soyons pas naïfs. Ça revient. C'est rare qu'ils nous enlèvent des droits et que ça nous revient. Hein, dans l'histoire, je crois que Berthold ou d'autres personnes sont beaucoup plus ferrés que moi sur l'histoire de mémoire de ce que j'en sais, là, quand on nous enlève des droits, en général, ils ne nous les redonnent pas. Puis en passant, là, des droits et des libertés, c'est jamais acquis. Arrêtez de Exact. penser que c'est parce qu'on a deux chartes, une Canadienne et une Québécoise qui nous défend. Non, c'est nous. Pour ça, là, c'est maintenant, là, c'est nous qui devons se lever puis se défendre aussi nous-mêmes, que le choix qu'on prend. Moi, c'est clair qu'il n'y a pas de sauveur extérieur. Ben non, mais il y en a qui attendent après Donald Trump, là, Ben, que. c'est pas Donald Trump, il y en a qui attendent après les droits des chartes et libertés, il y en a qui attendent Dieu, je sais pas quoi, il y en a qui attendent Lucas Moronziel. Hey! Excusez-moi. Hey! Hello! Ici, ça terre. Moi, je suis convaincue que si que ça se passe puis qu'il faut qu'on règle nos affaires ici si on veut pouvoir profiter de ce que l'on règle ici ailleurs. Mais Exactement. flotter puis attendre et philosopher, c'est pas de choix. Mais moi, je ne m'intéresse pas. Je fais face à tout ce qui me fait, qui peut être m'astralisé, j'y fais face. Puis j'essaie de le régler. C'est tout. Exactement. Donc, la résilience, c'est quand même un sujet intéressant à explorer. Puis la période présente est propice à développer cette capacité, donc à être capable d'encaisser les chocs, à faire face à l'adversité, puis être capable d'être résilient dans une période comme on la connaît présentement, où les opinions sont très polarisées, là, autant pour ou contre les mesures, c'est pas évident. Non, mais pour moi, résilier, ça veut dire être lucide sur ce qui vient vers nous. Puis, il y a toujours moyen de contourner la montagne. Sans résistance. Je sais pas si je sais pas, je m'exprime de même. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais la résilience, pour moi, ça ne peut pas juste être résilient avec les gens. C'est résilient avec ce qui nous arrive aussi. On est testé. En tout cas, à moins d'être fusionné puis d'être parfait, là, moi, je considère que je ne suis Puis pas même à là-dedans. Sceaux, tu sais, Bernard de Montréal qui disait qu'il était fusionné a vécu des tests par les forces à différents niveaux là, suite à sa fusion en 1969. Oui, Tahiti en est un très bel exemple. Roche sauvage. Ouais, ben c'est drôle que tu parles d'Haïti parce qu'ils ont eu un séisme récemment. Pas Puis, ça, donc c'est un séisme. ben selon les autorités de TVA et Radio-Canada, Ok, on est naïf. Ils ont fait sauter un bunker en dessous. tu veux dire? Il y a plein de souterrains en Haïti par lesquels ils vont passer toutes sortes d'affaires. OK. C'est drôle, on ne parle pas de ça dans les médias de masse. Non, puis je ne l'ai pas trouvé dans les médias de masse non plus, cette information-là. C'est ce que j'ai. Quand j'ai entendu tremblement de terre, ça Oui. m'a dit non. Pas un tremblement de terre, c'est des explosions. Hein? Explosion de quoi? Ben, c'est parce qu'il y a des. Ils sont cuits, hein, en passant, le 1%. Ils sont cuits. Fait que là, ils démolissent, ils font sauter les tunnels qu'il y avait en dessous. Il y a plein de tunnels souterrains partout, Oui, partout! ben ça, je le sais. Comme aux États-Unis, tu as des bases secrètes ou pseudo-secrètes comme Area 51 ou autre, là. Non, mais en Haïti aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de tunnels qui ont été construits pour sortir des enfants de là. En tout cas, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Je ne rentre pas trop là-dedans parce que c'est trop lourd. Ça me fait vraiment trop. Ça me fait souffrir. Mais pourquoi que, dans le fond, par rapport à ça, là, tu dis, ils ont fait exploser ça, c'est qui, puis dans quel but? C'est toujours le 1% des gens qui s'arrangent pour faire disparaître les preuves, pour faire. C'est parce qu'ils sont dévoilés, hein, l'air de rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, on est comme dans une tempête d'enfer, on est en plein milieu d'une grosse tempête, là. Puis ils sont dévoilés, ces gens-là, ils sont cuits, c'est fini, là. Ça va tout sortir. Peu importe ce qu'ils ont fait, ça va Mais ça sortir. va tout sortir. Je veux dire, ça fait au-dessus d'un an et demi qu'on fonctionne en fonction d'une pandémie. Puis que ce soit Rainer Fulmich ou un d'autres qui ont fait des démarches judiciaires. Puis finalement, la vérité par rapport au coronavirus, l'inefficacité des mesures comme le port du masque, puis ces choses-là, ça sort pas. Mais un an et demi, une crotte dans le nez serait pareil. C'est quoi un an et demi sur tout ce qui se passe? Ramenez-moi pas ça, ça m'énerve. Un an et demi, c'est rien, un an et demi. On en a encore pour quelques années. Mais ils sont finis pareil. C'est terminé, le plan de marde. C'est gagné d'un plan supérieur depuis très longtemps. On vit le passé ici. C'est ça, là, c'est fini, là, Il y ça a un problème achève. de vitesse de téléchargement là, vers la Terre, là, de l'information que c'est fini. J'ai pas compris. Oui, je veux dire, ça veut dire qu'il y aurait comme un problème de téléchargement de l'information vers la Terre que c'est fini. Il y a un problème que cette planète où il y a du temps, le Oui. temps que ça rentre par ici, le temps que l'humain soit prêt à recevoir cette énergie-là, il y a plein de conditions à tenir compte là-dedans, là. On est, tu sais, c'est par nous que ça va passer, la fusion, on l'a dit, on l'a expliqué, ça passe ici, sur la Terre, c'est pour passer à un autre niveau, mais c'est dans la matière, c'est de l'intelligence dans la matière que c'est de rentrer. Mais la matière que nous sommes est imparfaite et très, très bizarre. On n'est pas encore on est de la race humaine en évolution, on n'est pas encore l'homme avec un grand H, là. Mais ça évolue. Ils ne peuvent pas défoncer le plafond puis nous faire tout sauter en même temps, ça ne marchera pas. Non, mais il y a un délai de téléversement, mais je veux dire, le fait que c'est fini, la mainmise, mettons, si on parle d'élite là, sur la Terre, ben on le voit pas, Encore on... 10 ans, là, ce Comment? combat-là. Ça peut durer encore 10 ans, 5 ans. Ils se débattent, c'est ça qu'on voit, là. Ils se débattent, là. Ils vont créer des famines, ils vont essayer de créer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de Bien, ça, phénomènes. c'est un autre aspect que beaucoup de lanceurs d'alerte parlent présentement, c'est-à-dire que la possibilité que les mesures qui ont été mises en place a créé des bris de production dans certaines entreprises. Là, il y a une pénurie là, de puces électroniques pour les autos. Est-ce que, quelque part, d'une manière artificielle, au nom de la COVID, on prépare une pénurie alimentaire de différentes denrées parce qu'on a empêché des gens de travailler pour des raisons de contamination, de confinement? Moi, je suis pas dans le type, ça m'intéresse pas, mais tout est possible. Attendez-vous à tout possible. Ils vont tout faire pour pas mourir. Ça, j'en doute pas, là. C'est sûr que moi, juste au niveau de la COVID, là, sans passer les autres événements, là, comme les événements là, de température extrême et ainsi de suite, juste au niveau de la crise du coronavirus, ce qui se passe en termes d'événements, moi, je dis que c'est comme une espèce de crescendo là, d'ici le 1er septembre. Là, on met l'emphase au Québec que le passeport vaccinal va entrer en application. J'entendais récemment dans un point de presse hier que là, il va falloir que les gens du secteur de la santé, première dose pour le 1er septembre, deuxième dose 1er octobre. Donc, il y a comme un ultimatum. C'est comme on met l'emphase qu'il faut que ça soit fait pour l'automne. Fait que là, je me dis, c'est quoi à l'automne? Ils vont dévoiler des choses où les effets secondaires des gens qui sont vaccinés sont commencés à sortir puis se dépêchent à vacciner avant que ça sorte. Je sais pas, mais il y a comme une pression qui est là, à court terme. Oui, il y a une pression, puis ils vont. Ben, c'est drôle, ça me fait penser. Je ne sais pas si ça a un lien, mais j'ai eu le flash. Je suis allée chez le médecin hier, pas mon médecin, mais un médecin remplaçant pour une question urgente. Je pensais que j'avais quelque chose d'important, puis je voulais aller vérifier. Moi, je n'y reste pas avec mon père. Quand je perçois quelque chose, j'essaie de défaire tout de suite, voir c'est quoi qui se passe. Mais je me tape un rendez-vous avec un médecin. Vous auriez dû entendre ça, les amis. Par en dedans, je riais, là, puis je l'écoutais, je faisais mon hypocrite de première, mais j'en revenais pas. Une fois que mon petit problème a été réglé, parce qu'il m'a dit, non, non, madame, c'est pas ce que vous pensez, mais peut-être, je rentre pas dans le privé. Il me demande, il me regarde en pleine face, il dit, êtes-vous vacciné? Je dis, est-ce que je devrais répondre à cette question? Je dis, c'est drôle, je dis, comme question. Mais il dit, c'est important, madame, de vous faire vacciner. Puis il me parle de même. Ouais, c'est votre opinion. Mais là, je me suis dit, je vais le travailler un peu. Tiens, ouais, j'ai dit, vous me proposez la vaccination, vous êtes à l'aise avec ça, vous, là. Puis tu sais, il dit, oui, c'est important. Puis là, il part, il y a un pitch de vente, là, incroyable. Puis moi, je suis là. Mais dans ma tête, je vois bien qu'il est c'est un show, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Je lui demande qu'est-ce qu'il propose comme vaccin ici. Là, il me dit Moderna, c'est deux vaccins ARN messager. Mais je dis, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Il me répond pas. Écoute bien ça. Il me répond pas. Il continue son speech. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Ils ont découvert des petits génomes. Mais je ne parle toujours d'affaires. Des petites affaires, là. C'est donc extraordinaire. Je dis, mais là, vous ne me répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Êtes-vous capable de me donner ce qu'il y a là-dedans avant de prendre. Ben Je oui. dis, je suis prendre une décision éclairée. Pouvez-vous m'éclairer? Ben là, il commence à me trouver fatigante, lui, là. Non, non, madame, vous comprenez pas, là. Là, il part sur la prochaine crise, c'est le Delta. Là, le Delta, c'est hyper contagieux. J'ai plein d'exemples. L'hôpital, les gens qui meurent. Là, il me racontait que tout ça, les gens qui mouraient à l'hôpital, c'était des jeunes, puis tati, puis tata, le Delta, le Delta, le Delta. Et là, je dis, mais le Delta, il est plus contagieux, mais il n'est pas plus létal, à ma connaissance. Ah, mais là, madame, vous comprenez rien. Il commence à. Là, j'ai fermé. Non, non, il n'aimait pas ça. Je me suis fermé la bouche parce que je me suis dit, là, je ne veux pas me faire un ennemi, moi, là. Fait que j'ai dit, ah, puis là, je commence à être complaisante. Une complaisante. Une complaisante, que je dis. Ah, ouais. Ah, oui, c'est intéressant. Bien, j'ai dit, savez-vous, moi, j'avais des doutes avant de vous voir, là, mais j'ai dit, je vais y penser, là, à votre propos. Puis je crie sur mon camp de luxe après, ça. J'en revenais pas. Ce que j'ai, après, ce que je reçois comme information de ça dans mon auto, je connais bien la clinique et ce médecin-là, là, puis il y en a d'autres comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de Barrett avec ses super cliniques, là, qu'il voulait créer, des super grosses cliniques, je sais pas comment il appelait ça. C'est un de ces médecins qui, dans ces cliniques-là, ils ont investi des sommes d'argent très importantes, dont je connais très bien. Je sais de quoi je parle là. 500 000 $ minimum qui est investi par mon ostéopathe qui est là. Son ami, son meilleur ami, ce fameux médecin dont je vous parle, la même chose. C'est des Libanais en passant. Et mon médecin qui est le fils de ce bonhomme-là que j'ai rencontré hier, sont tous investis financièrement là-dedans. Croyez-vous pas qu'ils ont un petit intérêt à vous vendre Moderna et compagnie? Ils ont peut-être un petit peu d'argent du pharmaceutique pour faire ça par hasard. Ils ont peut-être des actions dans les entreprises aussi. Ben, c'est ça, sans des conflits d'intérêts, c'est ça, je percevais, moi, le conflit d'intérêts, mais je n'étais pas capable de voir, puis après, j'ai des formations, m'est venue. Mais moi, dans l'exercice d'échange avec lui, j'essayais d'y expliquer, parce que je disais, mais j'ai un souffle au cœur, j'ai des problèmes, je suis bronchite asthmatique, ce qui est vrai quand j'étais jeune, mais ce n'est plus vrai maintenant. Je suis bronchite asthmatique, j'ai dit, j'ai un petit souffle au cœur, j'ai quand même des antécédents de cancer. Je pense que il a jamais écouté rien de ce que je disais, vous auriez été horrifié de voir ça. C'est comme si je n'avais rien dit. Ça l'intéresse même pas, ma santé. Non, il était trop Il centré sur faire sa vente à pression sur toi, là. n'a même pas écouté un seul mot de ce que je disais. Il revenait tout le temps sur son propos. Fait que ça, moi, rien que ça me dit, passe ton chemin. Juste entendre ça, je me dis, voyons, donc ça n'a aucun sens. Ce médecin-là, ce n'est pas un médecin. Puis moi, personnellement, je change de médecin. Là, je fais ma demande pour changer de médecin. Je ne veux plus rien savoir de cette clinique-là. Ben, je peux comprendre. Après ce que tu as vu, là, tu te fais mettre de la pression pour te faire vacciner. Et il y a d'autres médecins aussi que c'est la même façon de procéder, hein. Il y a comme une pression sociale. Puis là, tu as l'écuyer qui avait fait un article récemment qui dit « Les non-vaccinés devraient-ils être soignés? » Ça va jusque-là, là. On crée l'idée, puis ce gars-là, il est à la tête d'une tribune là, dans le Journal de Montréal, là. T'sais, c'est un chroniqueur vedette. On induit l'idée que, ouais, peut-être que si la personne n'est pas vaccinée, on ne devrait pas la soigner. C'est grave, là. Enlever le droit d'être traité à quelqu'un parce qu'il est non vacciné. On n'enlève pas le droit d'être soigné à quelqu'un parce qu'il fume la cigarette ou boit de l'alcool. Pourquoi faire Ça ça pour la nuit aux vaccination? autres. Tu peux répondre, ça nuit pas aux autres. Mais excusez-moi, mais quelqu'un qui fume, ça nuit aux autres parce que la boucane absorbe aux autres. Puis souvent, c'est en famille. Puis que tu fumes dans face de tes enfants quand c'est pas dans face de ta Ben, il peut y femme. avoir des cancers liés à la fumée secondaire. Puis il y a eu même des cas en cours. Puis c'est la raison pour laquelle dans les lieux publics, c'est interdit de fumer, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve présentement, il y a une ostracisation sociale des gens qui sont pas vaccinés. C'est le bouc émissaire social. Il y a comme tout un discours narratif construit alentour que c'est les mauvais, les méchants. Comme Denise Bombardier, elle leur prêtait des intentions de tueur. Et moi, de voir ça grimper, ce discours haineux-là à leur égard, je trouve ça totalement déplorable. Sont payés pour ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des gens qui sont payés pour provoquer. C'est des provocateurs pour moi. C'est des gens, c'est pas du journalisme, là. C'est du journalisme d'opinion. Il y a un mot pour C'est des ça. polémistes. Merci. Ce sont des polémistes qu'on leur donne, nous, public ordinaire, on pense que c'est des journalistes, mais en fait, c'est pas de journalistique du tout. Il n'y en a pas de travail journalistique au Québec, c'est mort. Le journalisme au Québec est décédé depuis la crise de bout. C'est que des polémistes qui écrivent. Lagacé est un polémiste. Puis en passant, des fois, je me pose la question, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui s'intéresse à faire des recherches sur Lagacé? Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de me faire zoomer. Pas zoomer, mais censurer. Mais chercher, vous allez trouver. Notre premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau, il n'est pas blanc comme neige non plus. Il trafique beaucoup. Ben là, on est la deuxième génération, Justin Trudeau, là. Notre premier ministre, c'est Justin Trudeau. J'ai dit Pierre-Éliott. Oui, ça, c'était le Ah non, pire. Là, on est dans la Justin. deuxième vague. On est dans la deuxième vague avec la famille Trudeau, c'est Justin. Là, j'ai peur de voir la troisième vague ou le variant, là. Justin, il a fait du trafic d'armes, c'est éprouvé, c'est démontré, il y a eu plein d'affaires, il y a plein d'affaires qui essaient de censurer, mais ça a été sorti pareil, ça. De toute façon, ils sont tous sous chantage, mon là pour moi. Fait que Mais c'est du chantage. oui, Au c'est même ça. titre qu'on voit le chantage que notre gouvernement va nous faire, mais je vois bien que c'est le même chantage qu'ils subissent. Des pions. Faut pas les en vouloir. Bon, on remarque que des fois, j'aurais le goût de lui graffiner un peu la petite testicule droite. Mais non, mais c'est dur des fois. Mais. Si, faut toujours se rappeler qu'on est manipulé. Si la pensée vient d'ailleurs, ben pour nous, mais pour eux autres aussi. Sauf qu'eux Exact. autres, ils canalisent la stigmate, puis nous autres, on cherche à se dégager de la marde. Mais c'est pas eux autres qui pensent plus que nous autres, là. Puis ça paraît. La game, ça passe plus loin. Mais la game, elle se passe. C'est plan occulte, mais moi, c'est ici que je vis présentement. Donc, c'est ici qu'il faut que je fasse face à la musique, mais ça ne me donne rien de penser au plan systémique. De toute façon, tu sais ce que j'en pense. Ils ont tous des agendas. même le plan systémique. Alors, Exactement. Sauf qu'à la différence du plan astral, l'agenda du plan systémique va chercher à t'amener à évoluer ou dans un développement. ouais, mais il veut pas qu'on soit libre, fait qu'il mange la mort pareil. Ben, c'est ça qui devient un petit peu tordu. Je savais C'est que tu intéressant de l'explorer dans la parole parce que, à quelque part, ils ont un souci d'amener l'être humain à évoluer parce que si l'être humain évolue pas, à ce moment-là, ils peuvent pas fusionner avec l'être humain. Puis s'ils fusionnent pas avec l'être humain, ils sont coincés dans leur développement. J'ai rien à ajouter. Ça me dit rien, David. C'est pour ça que j'écoute. OK, mais c'est parce que dans le fond, l'esprit, s'il fusionne pas à travers l'être humain, il est comme limité dans son développement parce que il peut pas intégrer totalement la création. Ben, alors moi, l'esprit. Premièrement, là, je veux mettre quelque chose de clair entre toi puis moi puis tout le monde. Moi, le plan systémique, ce n'est pas ma source. OK. C'est un plan. Au-delà de. Il y a deux autres plans au-dessus, là, d'après moi. Mais oublie qu'il y a 14 000 plans ou 7 plans ou 8 plans, là, fou, là. Moi, la source pour moi, là, c'est d'où on vient tout le monde. On vient tous de la même source, qui est de l'immatière. Forme d'intelligence immatérielle complètement. Leur but, je pense, c'est le même que je le capte en tout cas, c'est de descendre dans forme. Sans merde, les autres, là, maintenant, ils ont le goût de s'incarner. Je blague, là, je fais des blagues, mais c'est de rentrer de l'intelligence dans forme. Mais pour moi, le plan systémique, c'est pas le plan de l'intelligence, donc je parle de la source. C'est bien plus haut que ça. Le plan systémique, ils ont un agenda, oui, de peut-être nous amener à ça, le plan de travailler notre mental, parce qu'il faut avoir un mental très puissant pour arriver à monter dans ces énergies-là. C'est très, très, ça peut nous brûler sur place, ça, c'est intense, fait que nos corps se transforment. Fait que pour moi, le plan systémique, il sert à ça. Le plan systémique n'a pas comme objectif de nous rendre libres. C'est dans forme qu'on va se rendre libre à travers notre origine qui est la source. Puis là, appeler les dieux, whatever, Allah, Ramdoulilah, puis tout ce que vous voudrez. Mais pour moi, le plan systémique que Bernard parle, c'est un plan supérieur, oui, mais c'est le supra-mental. On n'est pas rendu si haut que ça, là. Mais si on le prend par rapport à la source sur le plan fondamental, bon, peut-être que j'ai utilisé le vocabulaire d'une manière un peu confuse, mais si on part du principe que la source, dans le fond, cherche à fusionner avec l'être humain, si la source fusionne avec l'être humain, ben elle, son intérêt à quelque part, en étant unifiée avec l'être humain puis s'exprimant dans la matière, ben c'est d'être libre. Parce que la source est libre de la forme, donc elle va amener, elle va trahir l'être humain pour qu'il devienne lui-même libre de la forme, c'est-à-dire à son image. Ah, oh, maintenant. Tu trouves ça Excuse-moi, plate? mais. Non, je te trouve pas plate. Je suis incapable d'intellectualiser ce que tu dis. OK. J'ai plus l'intellect comme avant, là, mais ça m'a quand même donné un flash. Ça m'a. Faudrait que tu répètes, je m'excuse. J'ai eu un petit flash là, qui est passé, Non, mais c'est intellectuellement pour moi difficile d'articuler ce que je dis parce qu'on touche quelque chose qui est tellement. Il n'y a pas de mots. Et on met des mots, mais il n'y en a pas vraiment. C'est une vibration. Je ne dis pas que je suis en contact avec OK. ça. Je pense qu'il y a des intermédiaires, ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Pour moi, c'est un intermédiaire là, qui travaille pour nous amener. Moi, pour moi, c'est nous amener à développer ce corps-là suffisamment puissant pour absorber notre source dans la matière. Mais moi, ça ne s'arrête pas au supramental. Là. Ça, Ben je non, dis ce mais que après tout, on est je. des êtres infinis. Fait qu'on peut se développer. J'ai dit après tout, on est des êtres infinis. Fait que ça, on peut se développer à l'infini, là, au-delà du supramental. Ah, tout à fait, puis ça va aller plus loin que ça, c'est sûr. C'est juste une étape, le plan supramental, comment je vois ça, c'est pour qu'on développe vraiment le contact, le mental qui soit assez puissant, le mental supérieur, je ne parle pas de l'intellect, même si l'intellect se développe, même si on dit que l'intellect régresse, il y a quand même du monde qui s'améliore, mais c'est pour développer nos plans notre mental supérieur qui est un plan subtil, c'est le récipient. Mais on est juste au niveau supramental pour recevoir ça. On a de la misère à contenir ça. Imaginez si ça débarquait direct d'en haut, c'est bang! T'es mort! C'est comme. Non, c'est ça. La personne aurait un choc trop difficile à rééquilibrer par la suite, puis peut-être qu'elle serait dysfonctionnelle dans la société par la suite parce que elle ne serait pas capable d'intégrer le trop grand apport d'énergie que son système nerveux. Oui, puis quand tu touches le plan, ce qu'ils appellent l'amour intelligent, là, c'est bas, la tâche toxique avec de la bouche, le supramental, c'est de la tarte à côté de ça. Puis ça va passer par les femmes. Ou les hommes qui ont l'énergie féminine développée. Non, ça marche pas ça. OK. Pourquoi l'amour intelligent, ça va passer par les femmes? Parce qu'on a une constitution différente de vous autres. Pas parce qu'on veut vous faire chier, il n'y a rien à voir. Ça n'a pas rapport. C'est pas un jeu de pouvoir. Le supramental est amené par l'homme, puis le plan de l'amour intelligent va être amené par les femmes. On a les corps pour le faire tranquillement. Pas moi, peut-être d'autres, là. Mais je le vibre, ça, très clairement. Je le sens des fois dans mon cœur, l'énergie qui rentre, puis c'est assez intense, je vous dirais. Ça passe par la glande, là, par en haut, puis ça rentre direct dans le cœur, là, puis pouf! C'est... Je vais aller voir mon médecin, je fais une crise de cœur. C'est pas une crise de cœur, c'est des descentes d'énergie, puis c'est rien à côté de ce qu'ils peuvent amener, fait que, tu sais, c'est du gros stock. Ça Justement, commence... oui. Oui, vas-y, mais peut-être les hommes. Je pense... OK. Oui, ça me dit oui. Je pose la question si les hommes me disent oui, les hommes vont être capables. Mais ça va commencer par les femmes. Ben moi, je pars du principe que si l'homme et la femme sont appelés intégrales puis à des êtres multidimensionnels, ben ils vont développer les différents éléments, le principe de l'amour, la volonté, l'intelligence, tu sais. Oui. Puis ouais. Oui, mais ça commence quelque part. Tu sais, aujourd'hui, tu as des femmes supramentales qui sont dans le supramental, mais les premières étapes du supramental, il y a Robindo, il y a eu plein de. Des hommes. Bien, Ouais. dans le passé, il y avait beaucoup d'initiés sur la scène publique qui étaient des hommes, mais progressivement, il y a de plus en plus de femmes. Mais il y avait sans doute des femmes qui étaient conscientes aussi dans le passé, sauf que c'était moins socialement là, valorisé. Là. C'était comme autrefois dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'université. Moi, oui, je comprends, mais c'est pour ça que ça passait pas peut-être par des femmes, puis que... mais ça me dit que c'est d'autres choses. Je sais pas. OK, mais écoute, j'apprécie ta franchise, comme on dit. Ben, quand je sais pas, je sais pas. Des fois, c'est parce que j'ai pas l'information ou tout simplement parce que je te le dis depuis, je peux le dire aux gens, là, Oui. depuis un an, j'ai l'intellect quasiment mort. J'ai beaucoup de misère à réagir. Je suis plus capable. T'sais, Bertolt me faisait rire l'autre fois quand il disait, je prends plus de décision. J'étais à peu près de même, là. Faut que j'attende. Des fois, j'étais assis dans une chaise pendant 2, 3 jours. J'étais en vacances depuis un mois et demi, là. J'ai été des jours à rien. J'étais là. Je t'ai dit que ça fait des drôles de journées. Mais Là, je me toi, levais. est-ce que tu en souffres de ça? Non. Bon, Non, ben. je trouve. Non, non, non, je trouve pas, mais je trouve ça spécial à vivre un peu. J'ai une amie avec qui j'avais beaucoup de contacts au niveau supramental. On a fait vraiment de travail ensemble, Martine. Puis elle me parle de tout ça. Puis je suis plus là. J'ai même plus le goût de parler de ça. Je suis comme. Ah bon. Je sais pas. Je suis dans cette période-là. Je suis honnête avec vous autres. Je ne sais pas de vous cacher quoi que ce soit, là. Mais je suis dans une période où je suis très bien. Mais surtout quand je suis très bien parce que je ne réfléchis pas, justement. Je bouge. Là, ces derniers temps, je retrouve de l'énergie. Je suis capable de bouger plus. Fait que là, je fais plein d'affaires. J'ai mis mon horaire. Ça faisait des semaines qu'on m'a demandé mon horaire. Je ne le sortais pas. Excusez, j'ai un petit moustique qui me tourne autour. J'étais pas capable. C'est vibre. Je rentre dans les... Ce que je sens, là, c'est que c'est vibratoire quand je bouge. Je suis plus capable de bouger juste par un. Ah, ben là, il faut que je fasse ça. Je suis pas capable. Un Donc, agenda, je vais tenir si j'ai la vibration, mais sinon, il ne tient pas. ce que tu me parles, c'est intéressant parce que, dans le fond, en lien avec les événements qui ont cours, il y a des gens là, sur Internet, je pense entre autres à Luc Bodin, là, lui fait des traitements énergétiques, puis lui, il dit que des descentes de nouvelles énergies qui s'intensifient à la période présentement, puis curieusement, c'est la même période qu'on cherche à nous enlever nos droits, l'imposition du passeport vaccinal, qui pourrait amener à la discrimination sociale, et ainsi de suite. Donc, il y aurait comme une espèce d'effet un petit peu paradoxal que plus qu'on s'enlise dans la crise, puis plus que des descentes importantes d'énergie qui vont chercher à comme vouloir rééquilibrer le jeu pendant que plein de personnes tombent en dépression. Ça a du sens. Ça a du sens. Make sense. Oui. Ça se peut que ce soit ça, mais j'ai pas le genre d'information. Ça, je te dis, mais OK. je suis vraiment. faut que je pose une question pour avoir une réponse. Si je pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Puis comme j'ai plus de questions, ben je pose pas de questions, j'ai Ah, pas de ben moi réponse. j'en ai. Fait que je vais pouvoir t'alimenter un peu. Petite question, je fais juste essayer de vibrer mes affaires. C'est tout. Non, non, mais c'est bien correct. Je réponds aux questions. Bon. Parce que il y a quelque chose qui me fait vibrer Oui. aussi. Là, on parlait de résilience. Puis pourquoi j'ai amené solidarité? Parce que je me tape ça dans ma vie présentement. Je t'en ai parlé tantôt avant de rentrer. Dans le coaching, des fois, j'accompagne des gens. Puis là, j'ai rencontré une personne qui a réellement besoin d'aide, d'être accompagnée, pas pris en charge, là, accompagnée. C'est pour moi le plus beau geste de solidarité que je peux faire. Puis en passant, il n'est pas riche, fait que vraiment, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas avec lui que je vais vivre, certain, je vous le garantis. C'est beaucoup d'heures de pour payer, mais ça m'a dit fais-le. Puis c'est bizarre, mais j'ai la vibration pour le faire. Puis j'ai beaucoup. Ça ne me dévitalise pas, ça me donne du gaz, j'ai du fun. D'avoir que. Je ne sais pas, il y a quelque chose chez moi qui est. Dans la solidarité de gens qui sont en développement, parce qu'il y a du monde qui souffre beaucoup présentement. Imagine, moi, là, je considère que j'ai, entre guillemets, c'est une programmation, on est programmé. C'est quand même 40 ans que j'ai croisé Bernard, Daniel et compagnie. Daniel Kern. Fait que tu sais, ça a parti plus jeune. Mais les gens qui rentrent en initiation solaire présentement, là, hey, tabarnak, excusez-moi de l'expression, c'est pas simple. Il y a bien plus d'astralité que dans mon temps. C'est pas le même monde que les années 80-90, là. C'est tellement dense de lourdeur ici que ce jeune homme-là, il est rentré il m'a appelé, puis ça m'a dit go. Là, j'ai demandé, coudonc, il n'y a pas d'argent, je fais quoi avec ça, tu sais? Parce que dans l'échange, ça peut être touché. Ça m'a dit, il n'y a pas de problème. Ben, il n'y en a pas de problème. Puis, il n'y a pas d'argent. Je l'accompagne vraiment pour l'aider à passer à travers. Puis, ça se passe. Là. Si les gens que ça intéresse, c'est quelqu'un qui souffre d'électrosensibilité très grande, qui vit une vie très difficile, puis il est même chimico-sensible. Mais là, électro-sensible, pour clarifier les choses pour les gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui va être très sensible par rapport à tout ce qui est Wi-Fi, les ondes Internet qui sont diffusées, micro-ondes, ces choses-là. Téléphone, oui. Puis, chimico-sensible, c'est quoi? Ben, il y a certains produits chimiques qui vont le faire réagir très fortement. Lui, faut il faut qu'il fasse attention dans quoi qu'il lave son linge, mettons, des choses comme ça. Je connais pas ça, hein, en passant. Je ne souffre pas de ça. OK, mais lui, quand il te parle de ça, est-ce qu'il a été diagnostiqué par médecin ou une autorité médicale officielle ou c'est lui qui pense ça? Non, non, non, non, mais David, excuse-moi, là, tu es un peu en dehors selon la médecine, ça n'existe pas, ça. C'est dans Attends une le minute, tête. j'ai écouté un documentaire, c'était en Europe, c'était en Suisse ou en Non, au Belgique, Québec, là. en tout cas un des deux pays. La personne a été en cour, puis elle s'est faite reconnaître là, comme électrosensible, puis est indemnisée du gouvernement, là. Oui, ça, c'est en Europe. Mais ici, au Québec, il n'y a aucune reconnaissance pour l'instant de ces gens-là au niveau légal. Mais là, je me dis, Ils si n'ont ça pas de. s'est fait en Europe, à un moment donné, ça va se faire au Québec, là. Je veux dire, c'est quand même une utilisation similaire, là. Oh oui, puis un réseau de gens. Il y a déjà un réseau de gens qui vont offrir des logis ou des espaces pour des gens électrosensibles et tout ça. Ça existe déjà. Mais de dire que c'est reconnu par la médecine au Québec, ils ont de la misère à se reconnaître le trou de cul. Non, excusez. Excusez, là, mais pour moi, la médecine. Le Québec, là, c'est une mafia depuis longtemps, en passant. Mais c'est un autre sujet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce jeune homme-là que j'accepte d'accompagner, pas que j'accepte, mais que ça m'a dit que je pouvais le faire, en 6 mois, là, on voit une énorme différence juste par le fait de pouvoir discuter. C'est là que je parle de solidarité. Le fait de pouvoir parler avec moi, qui a une vibration plus forte pour l'instant, plus solide, beaucoup plus ancrée, très terre à terre, c'est ce qu'il a besoin. Ben, là, il vient d'expérimenter plus son énergie monte, puis qu'il devient plus mental, puis que ça se place ses affaires, puis qu'il fait face à ses peurs. C'est très fondamental ce que je dis là. Mais il est de moins en moins sensible, justement. Il est capable de passer quelques heures chez Costco, ce qu'il n'était même pas capable de faire il y a un an. Il passait 10 minutes chez Costco, puis il pensait tomber. Des fois, je le taquinais, je disais, hey, t'as passé 3 heures Ben, chez Costco. par rapport à Tu te rappelles? l'électrosensibilité Costco, j'essaie de voir parce que si tu m'aurais dit Il y a des gens c'était qui comment? parlent avec des téléphones, ils capotaient. OK. Il n'était pas capable. Des fois, je l'accompagne quelque part, puis il va sentir mon téléphone. Puis il va me dire, mon là, ton téléphone est ouvert. Je dis oui. Des fois, je le ferme, puis il le sait. Je le teste. Mais c'est pas psychosomatique, c'est réellement une sensibilité. Mais c'est ça que j'expliquais un petit peu avec toi, c'est qu'il était dans un cheminement très, très, très spirituel, lui, puis c'est correct, là, j'ai rien contre ça. Mais là, il a tranquillement compris qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans, les guides, les protections, il faisait du Reiki. Je ne connais rien là-dedans, je vous parle vraiment néophyte, là. Ben, c'est des traitements énergétiques, le Reiki, là, tu sais, l'imposition des mains à une certaine distance du corps pour équilibrer les énergies. Ça. Puis il y a différentes techniques là-dedans, puis Oui. c'est correct. Mais il a compris à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Je ne sais pas comment il a allumé, mais il m'a contacté à la suite d'un audio avec toi. Puis là, on travaille Bon, mais ça encore. servait à quelque chose, les enregistrements qu'on a fait ensemble? Pardon? J'ai dit, ça servait à quelque chose, les enregistrements qu'on a fait ensemble? Excuse-moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, ça servait à quelque chose, les enregistrements qu'on a fait ensemble. Oui, mais quand tu m'as contacté, puis en passant, je me donne aucune gloire, là, puis j'y dis souvent, il me dit tout le temps merci, je dis arrête de me remercier, c'est toi qui fais la job, Chris. Il se la tape, la job, les amis, vous n'avez pas idée comment il est testé, là. Mais là, il commence à se tenir droit, puis à être capable de rester devant des gens qui abusent de lui, vous n'avez pas idée de ce qu'il vit, c'est terrible. Moi, des fois, je suis obligée de couper parce que c'est moi qui vais aller frapper, là. Il vit harcèlement, harcèlement, harcèlement parce qu'il s'est toujours laissé faire. Mais là, il se lève. Plus il se lève, plus il intègre ses affaires, plus il met en pratique de faire face à ses peurs, puis qu'il gagne en énergie, il monte au niveau énergétique. Il est de mieux en mieux. Je ne sais pas s'il va guérir totalement, j'y souhaite, mais une chose est certaine, c'est qu'il peut retrouver une vie plus normale parce que ce jeune-là, ça fait 8 ans qu'il vit confiné. Avec des tout à fait sa la tête. Je ris pas de lui, je ris parce que je trouve ça fou, là, tellement c'est une tuque avec des trucs pour bloquer les ondes. Il est obligé de vivre dans une maison parce que c'est tout est bloqué les ondes. Imaginez-vous ce vie-là. Il dit, moi, le confinement d'aujourd'hui, je suis confiné depuis tellement longtemps. Puis il y a juste une jeune trentaine, là, en passant. Il n'est pas rendu à 70 ans, lui, là. Mais je suis contente de voir, moi, ça, là. Ça me fait je pense que de me sentir un peu utile, pardon, c'est une des choses qui me reste de la vie parce que tu sais, on se fait vider un peu l'ego de toutes les sortes, là. Il ne reste plus grand-chose comme intérêt sur la planète elle-même à donner. Mais de Non, je comprends. me sentir un peu utile, puis de voir que ça fonctionne, je trouve ça extraordinaire. Ça fonctionne vraiment d'appliquer ce qu'on sait. Faire face à nos peurs. Tu sais, Exactement. La les période de présente est propice à ça parce que d'un côté, tu as des gens qui ont peur du virus, il y en a d'autres qui ont peur du vaccin. Puis à un moment donné, je parlais avec ma mère qui, elle, avait peur du virus puis du vaccin. Fait que là, je dis, ça va pas bien. Il y en a qui ont peur des autres parce qu'ils ont peut-être le virus. T'sais, hier, je montais chez mon médecin, puis il y avait une dame qui descendait, là, tu sais, un escalier commercial, ça c'est large. Écoutez, regardez, je vais vous montrer. Elle a un masque, je vais vous faire le geste qu'elle a OK. fait, et j'étais à 1 mètre de rencontre. Elle fait ceci. Moi, j'étais comme. J'ai juste dit, madame, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. C'est mon chemin. Mais j'en venais pas que les gens. Comme ça. Dans l'escalier, on dirait qu'elle est rentrée dans le mur. C'est ça, était un mouvement de contraction lié à la peur, là. Ça. Mais on est cultivé depuis 1 an et demi avec une campagne médiatique sans précédent, avoir peur du coronavirus. Là, on a parlé du variant britannique, on parle du variant allemand Delta, on parle du variant Lambda, puis là, il va sans doute en avoir d'autres. Mais il y a une volonté présentement de cultiver la peur dans les médias de masse d'une manière continue et perpétuelle. La meilleure façon de contrôler le monde, c'est de vous faire peur. Exactement. Mais moi, ma curiosité en tant qu'être humain, c'est de voir, c'est quand que la personne va dire, le peuple va dire non, c'est fini la peur, puis on va arrêter de se soumettre à tout l'agenda sanitaire. Parce que là, le peuple a accepté, bon, l'état d'urgence, ça se posait 2 semaines, finalement, c'est devenu 2 mois, finalement, ça se dirige vers 2 ans. Ensuite, on a accepté le port du masque obligatoire dans les lieux intérieurs, le couvre-feu à 20 heures au Québec, en France, c'était à 18 heures. Ensuite, on a accepté le testage massif des gens, le traçage numérique. Puis là, on est sur le point d'accepter le passeport vaccinal. Mais je me dis, si c'est où que les gens vont faire un stop, puis ça va arrêter. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais moi, je suis que ça fait longtemps que j'atteins ma limite, là. Ben moi aussi, mais on n'a pas les mêmes sensibilités que les gens. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est, tu sais, je discutais aujourd'hui avec une personne, puis la personne me dit, ça se peut pas, les gens vont pas accepter une troisième dose, parce que là, on commence aux États-Unis, on parle de la troisième dose, en Israël aussi. Là, elle dit, quelqu'un, à un moment donné, va décrocher. Après les 2 doses, ils vont se rendre compte que c'est un abonnement annuel à plusieurs doses, à un moment donné. J'ai dit non, pas nécessairement. J'ai dit présentement, les gens ont accepté des choses qu'il y a à peine 2 ans, n'auraient jamais acceptées, comme le couvre-feu. Il n'y a pas personne qui a accepté ça. Il y a 2 ans, ensuite, les 2 doses, les gens avec le masque, là, ils vont retourner à l'école, les jeunes au cégep et à l'université, puis il n'y en a pas qui descendent dans les rues. Ah, le gouvernement a dit finalement, on va retourner à l'école avec le masque, puis comme si de rien n'était, puis on leur fait miroiter à ces jeunes-là en disant, faites-vous vacciner 2 doses, puis on a ces 75% là, 2 doses pour l'automne, vous allez pouvoir revenir en classe sans porter le masque. Ils exécutent, ils se font vacciner massivement les 2 doses, puis finalement, la récompense, c'est que vous allez porter le masque parce que là, il y a la menace du variant Delta. Fait que là, tu vas dire probablement aux jeunes, bien là, ça va prendre une troisième dose, puis une quatrième, puis une cinquième, puis je sais pas c'est quand ils vont avoir leur méga dose de tout ça, là, mais c'est ça. Le problème, ben, je sais pas, ça, je peux pas juger, je peux pas évaluer ça, puis je pense pas que tout le monde va réaliser que je pense pas. Tu sais, j'ai souvent dit, peut-être à toi et à d'autres, c'est jamais les majorités qui changent les choses, hein. C'est en général une minorité de gens qui crée un mouvement de changement. Mais il y a une masse critique de minorités à atteindre. Je pense que le Québec est en train de l'atteindre tranquillement, une minorité, mais c'est mondial, c'est un phénomène mondial. Ben, nous autres, on est plus affectés. Quand que je regarde ça par rapport à ce qui se passe, parce que ça regarde l'Alberta, ils ont laissé tomber les mesures. Ensuite, la Colombie-Britannique, même chose au Nouveau-Brunswick. Donc, on est le seul endroit au Canada présentement qu'on parle d'imposition d'un passeport vaccinal puis des mesures aussi strictes que le couvre-feu. C'est ça, je l'ai dit tantôt, hein, en passant, le Québec, là. C'est la mafia depuis très longtemps qui est installée ici. C'est pas d'hier que le Québec est dans la merde. C'est parce qu'on le voyait pas, là, on commence à le voir, mais ça fait, le Québec s'est noyauté depuis la religion catholique. ça ne vous dit rien, le Vatican, la religion catholique. Je ne vais pas rentrer dans la politique, l'analyse de tout ça, mais c'est clair que le Québec, là, il y en a qui vont dire. Oh, c'est parce qu'on est des gens plus évolués, plus spirituels, plus ci, plus Ben, ça. on est plus attaqué parce qu'on a un potentiel d'éveil plus grand. Tu sais, on ferait partie d'un peuple d'initiés, un peu comme Israël. Tu sais, Israël a amené avec Jésus, bon, la religion catholique, etc. Puis Israël, c'est eux autres qui, présentement, ont comme mesure le passeport vaccinal obligatoire, puis sont très ciblés par des mesures strictes. Puis le Québec serait un autre peuple initiatique, mais au niveau du supramental, serait également ciblé avec des mesures très strictes. Tu parles des plans occultes, c'est ça que tu veux me dire, là, qui sont sur notre cas? Oui, Oui. oui. Oui, particulièrement certains groupes qui sont sur notre cas, effectivement, mais ils sont sur notre cas parce qu'on est tellement spirituel qu'on est fa facilement manipulable, parce qu'on est si évolué qu'on le pense, je ne suis pas sûre de ça. Il y a Moi. encore beaucoup de catholicisme et de croyants au Québec en passant. C'est sûr, mais je veux dire, l'instruction supramentale de Bernard de Montréal, à part du Québec, à part pas de la Corée du Nord, là. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'à cause de ça, comme ils voient qu'on a le potentiel de s'éveiller, ben on en met plus pour engourdir les gens puis bloquer ou ralentir au maximum l'éveil pour le retarder. Ben, là, à ce moment-là, il faudrait dire la même chose de la France, la Belgique, puis parce qu'on n'est pas rien que Israël qui. Tu sais, il n'y a pas rien qu'Israël puis le Québec qui est ostracisé à ce point-là, Oui, là. bien, il y a la France aussi, mais je veux dire, la On est. France, c'est un peuple qui valorise les libertés individuelles. Tu sais, eux autres sont très ostracisés aussi. Tu sais, ils ont un potentiel aussi. Ouais. Ben, c'est pour ça que je dis, c'est pas, parce que là, tu m'amènes comme dans le Ouais, nord de ok, je Montréal, comprends ce que tu là. veux dire. Bon, ok, Ouais. on peut mettre des nuances, mais je trouve ça curieux que, bon, au Québec, on nous cite qu'il y a un paquet de mesures très strictes. Question, voir David. Pose-moi une question au lieu Ok. d'affirmer. Pose-moi une question par rapport à ça que je me mette sur le nœud. Je vais voir. On va essayer de canaliser. On s'amuse, les C'est amis. correct. Donc, ok, Question. je vais formuler ça en question, puis tu fais bien de me remettre à l'ordre, puis je ne gêne-toi pas pour le faire. Donc, Suis pas capable. ok. Donc, est-ce que le Québec est davantage ciblé par des mesures sanitaires pour une raison particulière? Oui. Laquelle? Pourquoi? Pourquoi qui nous autres? Ben en fait, ça me dit c'est l'Amérique qu'on, c'est l'Amérique qui est particulièrement ciblée, puis que c'est une terre protégée. Pas le Québec seulement, l'Amérique. C'est une Mais terre protégée. C'est ça que pourquoi j'entends. à ce moment-là que plus particulièrement au Québec, on parle de l'imposition d'un passeport vaccinal dans les prochains jours, alors que ce n'est pas le cas dans les autres provinces où les mesures dont le port du masque obligatoire sont tombées? La spiritualité des Québécois. Il faut que les Québécois se réveillent. On est un peuple jeune, 350, 400 ans d'histoire, mais on est battu par la religion dans notre culture. Puis c'est encore, c'est ce qu'appelle le bon, pardon, le néo-christianisme. Ça, c'est Mona qui allait dire le néo-christianisme. Mais tu peux le dire. Néo-christianisme. À ce bout-ci de l'enregistrement, on est sur Odyssey. Mais continue de poser des questions, ça commence à descendre là. OK. Et pourtant, les gens là, dans les provinces anglophones qui étaient protestants aussi ont connu la religion. Donc, pourquoi que les gens au Québec seraient plus ciblés? Mais c'est pas, je l'ai dit, les protestants, ils ont plus d'années de vie que nous autres. Nous, on a 400 ans là. Le peuple le plus jeune au monde, quasiment, il est ici. Donc, où est-ce que le nouveau peut rentrer? C'est des gens qui ont moins de mémoire. Mais le problème que nous, on a ici, au Québec, c'est que la mémoire qu'on a, c'est une religion catholique. Puis en plus, on a des mémoires reliées au fascisme, tu sais. Parce que les chemises brunes, ça existait au Québec dans le temps de Duplessis. Tu sais, il y a quelque chose qu'il faut nettoyer ici. Sur le plan culte, c'est pour ça qu'on est attaqué. Sur le plan de la matière, on est noyauté par la mafia parce qu'on est trop naïf. On Qu'est-ce croit que... en Dieu. On croit en nos gouvernements. OK. On croit. La Et... croyance qui est attaquée. Ouais, non, je comprends. Et qu'est-ce que le peuple québécois a nettoyé? La croyance. OK. La croyance. Qu'on se prenne en charge, qu'on arrête d'attendre des autres. On a attendu le bon Dieu pendant 2000 ans, il n'est jamais débarqué. Sinon, on attend Préauda. Ou bien le goût. Ou le judo, Mais Kiki. Ou... le peuple québécois, il a de l'avenir, effectivement, mais ça va être un peuple complètement transformé. On va être un peuple métissé complètement. Ce que vous voyez de nous autres aujourd'hui, ça achève. Ben là, c'est sûr qu'avec Justin Trudeau qui parle de faire venir 20 000 Afghans au Canada, c'est sûr que s'il y a beaucoup de réfugiés politiques qui viennent dans les prochaines années, ben on va changer. Mais je vais te lancer avec des questions exploratoires. J'aime ça. Bon, ouais. Excellent. Fatigant. Qu'est-ce que le peuple québécois a à faire pour se sortir de la crise du coronavirus? Je repose la question, j'entends quelque chose, mais je n'arrive pas à le descendre. OK. Qu'est-ce que le peuple québécois a à faire pour se sortir de la crise du coronavirus? On n'a rien à faire, ça va se défaire par soi-même, ça. Cette crise-là. Ce qu'on a à comprendre, c'est d'arrêter de déléguer notre pouvoir aux autres. Cette crise-là, puis le corona, c'est la pointe du iceberg, il y a d'autres choses qui vont suivre. Il faut réellement qu'on prenne conscience qu'on doit reprendre en main notre propre pouvoir, puis exécution du pouvoir complètement autrement. Puis ça, on est capable de le comprendre puis de l'intégrer au Québec. Pas les vieilles cultures, mais la culture qu'on a. Nouvelle façon de faire la gestion de nos ressources, plus besoin de gouvernement central, c'est tout ça qui va sauter. Ben, on va prendre notre petit bout, là. Donc, autrement dit, le lien qu'a l'individu par rapport au gouvernement qui peut être perçu pendant longtemps comme un bon père de famille va se dégrader, va s'éroder. Ouais. Ça s'en vient, là, ça commence, là, je vous le dis, ça s'éveille au Québec, c'est très, on trouve ça lent. Moi, la première qui suis un peu d'un tempérament un peu impatient, mais c'est plus vite qu'on pense. Mais ça me dit que l'Amérique est protégée aussi, parce que je l'ai déjà parlé, ça me revient, là, la Constitution américaine, c'est fondamental. C'est la seule Constitution qui donne les droits et libertés de l'individu qui est aussi bien développé, auquel on doit se coller. C'est un début d'exercice de démocratie. Je ne dis pas que les États-Unis, c'est une société démocrate totalement. C'est tout. On voit bien comment la justice fonctionne. La justice, c'est de l'injustice à ça. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'injustice. Comme ici aussi, il y a plein d'affaires comme ça. Mais la Constitution américaine est très importante. Ce qui a été écrit, la première Constitution, pas celle qui a été modifiée. Comme exemple de démarrage de faire. Parce qu'ils n'ont pas tant de pouvoir que ça, le gouvernement fédéral, normalement. Ils essaient de s'en rapatrier beaucoup aux États-Unis. Mais initialement, tu as vu, hein, comment on appelle ça, chaque État a beaucoup de pouvoir comparativement au fédéral Exactement. qui dit quelque chose, puis la Floride dit d'autres choses, puis Georgia dit d'autres choses, la Caroline. Ils ont une certaine liberté, puis c'est C'est très ça, parce important. que dans le fond, eux autres, le gouvernement fédéral ne pourrait pas imposer des mesures mur à mur en disant tout le monde porte le masque. Il faut que ça soit adopté pour chacun des États. Puis là, on a l'État de la Floride qui est opposé aux mesures, puis a même fait voter des lois pour empêcher l'imposition du masque. Oui, puis ça va se développer. Mais c'est ça, ça empêche, tu sais, l'humain, il ne faut pas être naïf encore pour quelques centaines de milliers d'années. L'abus de pouvoir, c'est toujours tentant. Alors, la Constitution américaine protège beaucoup de l'abus de pouvoir. Ils ont comme tout pris. Ils devaient être inspirés, hein, je ne sais pas où, de la pensée vient d'ailleurs. Non, Leur mais il y a un contexte culturel, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont détachés de la monarchie qui avait une emprise, un pouvoir sur leur vie, puis ils ont été coloniser l'Amérique, puis se sont révoltés en disant la mère patrie, là, puis Londres, on vous rend plus des comptes, on devient indépendant de vous. Puis là, c'est là-dessus que s'est bâtie la Constitution américaine, c'est cette volonté d'indépendance fondamentale. Ça va être le modèle, ça va être c'est un prémisse de modèle de ce que sera l'avenir quand on sera sorti de cette merde. Mais les Exact. gouvernements, il faut vraiment éliminer ça parce que ça le dit, centraliser le pouvoir. Fait que là, quand tu as le pouvoir, c'est un peu comme l'argent, là, l'argent dans la pyramide, elle monte vers le haut. Puis là, quand ils ont tout l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Font chier tout le monde en bas. Ben, c'est le mouvement mondialiste que tu décris. Présentement, on parle du Forum économique mondial qui cherche à influencer l'humanité pour la remanier en fonction de la révolution 4.0, l'introduction du transhumanisme, la fusion de l'homme avec la machine. L'incorporation éventuellement d'une puce sous-cutanée à chaque personne en plus d'une identité numérique. Donc, un mouvement vers ça, centraliser le pouvoir avec une instance supranationale comme l'ONU. Puis, en même temps, comme tu le décris, si on prend le modèle américain, la Constitution américaine, bien, chaque État est indépendant des autres. Fait que ça va à l'encontre de ce mouvement-là mondialiste, là. Ben, j'aimerais ça revenir, mais Oui. David, à résilience, solidarité Oui. et autonomie. Exact. On est un petit peu là-dedans, là. C'est pour ça que je t'amène là. Je trouve qu'il faut aussi développer de l'autonomie. C'est pas juste l'autonomie, genre je fais ce que je veux comme je veux, là. C'est de l'autonomie au niveau de nos ressources, au niveau de nos capacités. Comme peuple, on a. Ça, c'est un aspect qui fait qu'on est très intéressé, très intéressant pour ces gens-là, c'est le Québec a des ressources extraordinaires qu'on Oui. est en train de se faire dilapider incroyablement, comme en Afrique. On disait que les Africains étaient niaiseux de se faire ramasser parce qu'ils ont été dit. L'Afrique, l'Afrique du Sud, les diamants, tout ça, c'est des ressources pillées dans le pays. Nous, on se fait piller, on dit rien nous aussi, là. Ben oui, Mais c'est. on est une des plus grandes réserves dans le monde d'eau potable. Sans Je compter. crois que c'est la plus grande au monde. En tout cas, on est très important là, avec nos lacs en eau douce là, en grande quantité. Fait que c'est sûr que l'or bleu va devenir un des enjeux du 21e siècle à cause de la pollution qui augmente, changement climatique, etc. Puis on a aussi les mines là, avec des métaux, que ce soit l'or puis d'autres choses là, dans le nord. Il y a beaucoup de métaux précieux aussi. Je connais pas trop ça, mais je suis sûre qu'il y a du monde qui s'intéresse à ça, qui vont nous trouver l'information. Mais je sais qu'on a beaucoup de ressources naturelles. Regardez l'environnement qu'on a avant les forêts qu'on a qui sont très variées. Ça passe des forêts boréales à la forêt feuillue. On a un environnement très, très particulier. Alors, c'est à nous de se lever. C'est pas si on attend d'être sauvé par les autres, c'est à nous de se lever puis de décider. Ça commence individuellement, je suis d'accord en passant, qu'il faut se lever. Tu peux pas lever. Un peuple peut pas se lever si l'individu n'est pas capable de se tenir debout tout seul. Tu sais, c'est évident, là. Je vois bien que c'est impossible. Si les gens ont peur tu sais, aujourd'hui, je suis allée dans un endroit où il y avait un rassemblement de gens pour contester quelqu'un. Moi, je participe. C'est mon trip. Je me sauve. Moi, je suis allée devant la police. Je suis allée les voir. J'ai pas peur de la police, mais je suis sûre que quelqu'un m'aurait vu de mon environnement et dirait, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es folle. Mais moi, je suis allée lui dire merci. Il était ils sont pas si cons que ça, tu sais. Puis s'il m'avait bavé, j'aurais dit, ben là, je veux juste vous dire merci. Bien, merci d'être là, de vous assurer que tout le monde est en sécurité. J'ai juste dit ça. Puis ils ont toutes fait, merci madame, bonne journée. On était 500 personnes en train de. Je sais pas si tu connais François Amalega, mais moi je l'aime bien, ce monsieur. Oui, ben, je le trouve sympathique. Puis lui, il a de la volonté, puis il se met en action, puis il participe à des manifestations, puis il répond. Ben, j'étais là, j'étais avec François Amalega devant le truc d'éco-fitness qu'ils font sur le test, là. Ils sont en train de tester la passe sanitaire, là. Puis on est allé contester, puis moi je suis allé, puis j'ai passé 1 heure et demie merveilleuse, puis je suis revenu chez moi, puis. Puis François Malléga, je le trouve intelligent. Il se lève debout, puis il dit des choses. Puis il est tout le temps, faut pacifique. Il est très, très pacifique, mais il dit les choses. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, on peut trouver qu'il est spirituel, il y a toujours d'autres affaires. Mais il porte ses culottes, ce gars-là. Saviez-vous qu'il enseignait au cégep de Brébeuf, qui est quand même pas un prof de maths au cégep de Brébeuf, où notre ami Justin a étudié. Il a quitté sa job. Il a quand même des couilles, il n'y a pas Oui, grand-chose ben de c'est plaisir. ça, parce que de ce que je comprenais, c'est qu'il publiait des choses sur Facebook, son employeur n'aimait pas ça, fait que là, il a décidé de quitter son emploi par conviction, là. Ah ouais, puis il va aller. Il va au battre, comme on dit, mais ce gars-là, il se bat, je trouve intéressant, intellectuellement intéressant. Je ne suis pas toujours Pas toujours d'accord obligée de. avec ce qu'il dit, c'est sûr qu'il y a une couleur spirituelle, mais le fond est là, c'est-à-dire qu'il y a une volonté ferme de dire la domination, ça passe pas, c'est ce que je perçois de son discours, là. C'est exactement ça. Il dénonce la domination. On est brimé dans nos droits et libertés présentement, on ne s'en rend même pas compte. On pense que c'est donc. Premièrement, trouver l'air mort présentement, ça doit faire 4 mois qu'il n'y a pas une crise de mort du COVID, puis même du. Même avec les comorbidités, en tout cas depuis plusieurs semaines en l'été, il n'y a pas de mort. Puis là, François Legault, en 5 août, en plein été, nous déclare qu'on a commencé la quatrième vague. Moi, j'ai jamais vu ça, des vagues comme ça, là. Même pour la grippe, une vague de grippe, on parlait du mois de novembre ou décembre ou janvier, que c'est là que ça se passe, pas au mois d'août. Non, mais. Il pourrait dire n'importe quoi. Je pense qu'il dirait au monde de sortir avec un morceau de steak sur la tête pour se protéger, puis le monde le ferait. Tu sais. C'est complètement brainwashé. T'as pas vu en Australie, là, il y a eu un cas, ils ont fermé une ville au complet. Un cas, Exactement. pas un cas. En Australie, Oui. c'est proche de la Chine, puis ils sont noyautés. Mais en Australie, un cas, ils ont fermé la ville au complet. Ah oui, ils ont eu peur. Puis ils ont fait descendre l'armée dans les rues. L'armée, présentement, au moment où on se parle, en tout cas, les dernières nouvelles que j'ai vues, se promènent dans les rues en Australie. Et si les gens sortent à l'extérieur, puis c'est pas pour travailler ou aller chercher de la nourriture, ils n'ont pas le droit, là. Tu sais, c'est très restrictif, limitatif, le couvre-feu total, un peu comme l'année passée. Sauf que le point, oui. En Chine, il se passe encore des affaires comme ça. Pour les gens que ça intéresse, Epoch Time, là, ils font vraiment des très bons reportages sur ce qui se passe réellement en Chine. Ils ont des journalistes sur place, des Chinois, parce que les Chinois sont australiens. J'ai écouté un truc d'Epoch Time. Si vous êtes capable d'écouter ça, je vous souhaite bonne chance parce que c'est très difficile à entendre. Des gens emprisonnés dans des immeubles. Écoutez, là, on parle d'immeubles de 35-40 étages. Des immeubles qui crient par les fenêtres au secours parce qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, ni manger, ni boire. Il y a le COVID. C'est effrayant. Dans une dictature proche de chez vous. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. Ben, malheureusement. Là, c'est ça qui nous cache. Les gens cherchent, les médias cherchent à nous cacher tout ça, mais c'est ça, je dis, ça va sortir. Il y a trop de gens éveillés, justement, pour que ça reste mort. Ça va finir par lever. C'est inévitable. Ouais, ben C'est comme exactement. un, tu sais, le petit coup, là, un premier, puis à un moment donné, ça déboule, là, Il y a ça va l'effet débouler. domino là, qui s'enchaîne, mais tu sais, présentement, bon, il y a des pages qui sont censurées sur Facebook, YouTube de plus en plus, mais là, les gens vont sur Odyssey, puis il y a d'autres plateformes aussi, Rumble, fait que ça se Je dé... suis fière d'avoir été hackée, moi. J'ai été hackée. Ah oui? Ah oui. Je voulais éliminer ma page Facebook, en fait. C'est fait. Alors, les gens, là, si vous allez sur Mona Hébert, sur Facebook, je n'existe plus, ce n'est plus moi. Il y a quelqu'un qui m'a volé ma page. OK. C'est plein de méchanceté avec moi. Ben oui, c'est bien dans la mode, là, Fait que de là, voler. t'es rendu sur Yoga Cité. Yoga Santité sur Facebook, puis là, je ne mets plus rien de... Là, moi, je t'en avais parlé à l'époque, on en parlait au début du COVID. J'avais comme senti que j'avais comme l'importance de transmettre l'information de ce qui se passait. C'est fait. Moi, c'est fini. Je pense qu'il y a rien. On ne peut pas ajouter plus que ce qu'on a là. Il faut attendre maintenant. Là, c'est le temps de se mettre en régénération, de prendre tout ce qu'on peut. Si j'ai quelque chose à dire aux gens, présentement, il faut se reposer, il faut se régénérer, puis il faut s'organiser. Donc, réseauter, c'est pour ça que je parle de résilience, ça c'est pour être bien en vie. Solidarité, c'est des réseaux, créez-vous des réseaux, puis parlez-vous, c'est important. Puis l'autonomie. Alimentaire, moi je l'ai dit, je quitte Montréal, puis je m'en vais dans un coin pour pouvoir être sûr que je vais avoir un petit cochon d'un bord, puis un petit lapin si je suis mal pris, puis creuser un puits d'eau si j'ai besoin d'eau. Je ne sais pas où ça va aller, jusqu'où ça va aller. Ça peut être. Tout ça est possiblement. Peut-être jamais ça arrivera, mais si ça arrive, moi, de toute façon, je vais aller vivre à la campagne. Je viens de la campagne en passant. Je suis du lac Saint-Jean qui a toujours vécu sur le bord de l'eau. Montréal a été une grande expérience pour moi et bien d'autres choses. Mais je retourne vers la nature parce que j'en ai besoin. Puis je suis toujours bien dans la nature. Je suis bien, moi, là-dedans. Non, Et là, exactement. on verra ce que la vie m'offre. C'est ça, mais J'ai ça se pas. peut que ça soit aussi du bluff. Au moment où qu'on vous parle, on est au mois d'août 2021, puis là, le gouvernement du Québec intensifie les menaces. Puis là, vous ne pourrez pas aller au restaurant, puis il y a ci, puis il y a ça, puis là, la vaccination obligatoire. Mais c'est peut-être un gros bluff pour nous amener une pression à la vaccination. Puis en réalité, ils n'iront pas de l'avant avec ça, comme Colin l'expliquait. Il dit il risque d'être poursuivi. La minute que quelqu'un reçoit un papier comme de quoi que l'employeur oblige la vaccination, sinon que la personne perd son travail. Mais la personne peut donner ça à un avocat puis poursuivre le gouvernement en cour pour, dans le fond, pour des raisons de discrimination évidentes, là. Tu sais, la personne n'est pas vaccinée, on t'empêche de travailler. Tu sais, si tu as un motif de discrimination comme la couleur de peau, orientation sexuelle, religion, qui pourrait faire, dans le fond, trembler, là, à quelque part le gouvernement, là. Ouais. Bon, pour moi, si tu veux mon avis, c'est Oui. clair qu'ils ils mettent tellement de pression puis d'argent de propagande pour nous convaincre que c'est clair qu'ils n'ont pas les objectifs atteints. Mais je dis pas qu'ils n'ont pas atteint certains objectifs comme la vaccination à 80% première dose, ça. Mais ça marche pas aussi bien qu'ils veulent. Ils mettraient pas autant d'argent dans la Ben propagande pour non, nous. mais c'est ça, ils dépenseraient pas au-dessus de 10 millions par mois au Québec pour nous convaincre qu'il y a une crise, puis de se faire vacciner, si c'était réel, au point qu'ils en disent, les faits parleraient d'eux-mêmes, là, tu sais, à un moment donné, là. Ouais. Il y a une chose que les gens ne semblent pas comprendre ou pas, je ne sais pas, allumer, là, mais je ne sais pas si vous savez combien ça peut coûter d'installer un système de passe sanitaire au Québec. On parle de milliards de dollars. Mais non, Et mais ça ne doit pas coûter autant que ça. Mon nom, c'est une petite application que tu as téléchargée sur un téléphone intelligent. Non, mais ils numérisent nos données, c'est 30. Non, c'est gros. Ouais, c'est pas ni ton téléphone, effectivement, merci. Non, on parle de milliards de dollars faciles d'installer tout ça au Québec pour que ça fonctionne et tout ça. Puis de regrouper nos données, numériser les données, puis ensuite les transmettre à Big Pharma, bien sûr. Mais il n'y a personne qui allume que ça fait 30 ans qu'on attend de l'argent pour notre système de santé, puis qu'on n'en a pas. Ben. Exactement. Puis ça doit faire au moins 10 ou 15 ans qu'on parle de numériser le dossier médical. Puis ça se fait pas. Puis là, tout d'un coup, on a le code QR, puis tout ça qui déboule, comme par magie. Ben oui, puis là, l'argent débarque comme par Ben, c'est ça, un miracle. coup de milliard. Près de c'est au-dessus de 380 millions l'année passée, en 2020, qui a été dépensé au Canada. J'ai jamais vu ça. Il y a un économiste européen sur YouTube que j'écoutais, il dit, je donnerais la palme d'or au Canada, pas à la France, pas les autres de la francophonie. Non, non, le Canada pour l'endettement massif, où on a passé de 80 % de l'endettement par rapport au PIB, produit intérieur brut, à 120 % En bas. en un an. Ouais, ça veut dire, les amis, là, qu'on est passé de, je sais pas, de 30 milliards de dettes à 300 quelques milliards, 330, 300, 3 300 milliards de dollars de dettes. Autrement dit, notre pays ne nous appartient plus. Il appartient aux banques. Vous êtes content? Je deviens sarcastique dans ce temps-là. C'est ça. Puis là, les gens sont sur le point de réélire Trudeau parce qu'il leur a donné des bonbons. Puis là, les gens, ah, ils gèrent bien la crise. Mais c'est sûr, à coût de 2 000 $ par mois, les gens entretenus, je pense qu'ils vont l'aimer. Rendu pas mal moins que ça. Ils ont baissé à 540, là, 540, là, c'est plus 900 par semaine, là. Ah, ça, je ne savais pas, vois-tu? 500, là, ils ont passé de 900 à 600, de 600 à 540. De 600, il reste 540, en fait, excusez. OK. C'est plus Tu vois, 900 tu. par semaine, par 15, c'est 15 jours, 900 par 15 jours, c'était, je crois. Là, c'est une fois l'impôt enlevé, c'est 540, c'est un petit peu moins le fun, là. Ouais. Mais encore là, c'est de l'argent qui devrait pas être. C'est ça. Ça vient d'où, cet argent-là? On questionne pas. Alors, remarquez que les parlements sont suspendus. Les seuls qui parlent, c'est. Non pas que je suis tant pour le Parti conservateur, mais le seul qui ose parler, c'est quasiment Maxime Bernier puis Éric Et tu Duhem. aimes. Ils se font traiter de tout et non. Mais oui, ils sont traités de complotistes, puis Traité Maxime Bernier par la GRC sur le. Pas parce qu'on allait une manif en Alberta. Quoi. C'est-tu assez incroyable? Non, mais pensez-y, les amis, là. Moi, je rien. Maxime Bernier, je ne le trouve pas particulièrement intéressant, là, mais un gars s'en va manifester dans une affaire en Alberta, puis il se fait arrêter sa route par la GRC. Il s'est fait. Il a eu 12 heures de prison à faire. c'est quoi le motif qu'ils ont donné? Aucun. Ben là, et à ce moment-là, c'est une détention arbitraire, ils pourraient revenir contre eux, tu sais, c'est injuste. Ben oui, mais c'est ce qu'il va faire aussi, mais il reste quand même qu'ils ont. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était l'empêcher de se rendre au rassemblement. Ils ont demandé s'il y avait des armes dangereuses. Puis lui, il a juste répondu, la seule chose qui est dangereuse avec moi, c'est ma parole. Ils l'ont arrêté là-dessus, puis m'a noté. Oui, je suis morte de rire. C'est fou, raide. Mais les gens, jusqu'où ça va aller avant que les gens comprennent qu'on n'est plus dans une démocratie, je ne sais pas, David. Ben, il y en a certains qui vont dire qu'on n'a jamais été dans une démocratie, D'accord aussi. puis que les murs, dans le fond, le vrai visage du gouvernement se dévoile. Tout est déjà en dormance, en laiton embryonnaire, mais c'est comme si ça s'affiche publiquement. Oui, Puis. je suis d'accord que c'est. En fait, tu sais, Berthold, il dit, ça fait des milliers d'années qu'on se fait payer à la traite, là. Il dit pas de même, mais ça fait 26 000 ans, 26 000 ans qu'on se fait fourrer, là. Ben, là, on fait juste voir qu'on. Là, on commence à voir la chose. Mais. C'est fini pareil. Moi, je sais que c'est fini, fait que. Moi aussi, j'ai la conviction que, à quelque part, c'est juste une question de temps avant que toute la cabale, la structure, en fait, de domination s'écroule, le plan astral. Parce qu'en réalité, si on le regarde sur le plan vibratoire, l'énergie, au niveau, de la source est beaucoup plus élevée que le plan astral. Fait que c'est sûr que le plan astral sera toujours supplanté par la source, surtout que la source est créative et elle peut se renouveler. Tandis que le plan astral, il peut pas créer, il est pas créatif, il peut juste reprendre qu'est-ce qui a été émis par la source, puis utiliser ça pour manipuler les gens. Donc, il crée pas des nouvelles formes, il récupère les nouvelles formes les anciennes formes qui ont été produites. Donc, la source a tout le temps une longueur d'avance sur le plan astral parce qu'elle peut se renouveler totalement, à la différence du plan astral. Fait que pour moi, c'est juste une question de temps. Par contre, le point, c'est sûr que c'est un petit peu plate d'avoir ce temps-là à contenir puis avoir l'impression de faire du temps, là. Ça dépend. Moi, je trouve que c'est là où on peut. Je trouve que c'est un bon temps pour se créer des choses qu'on. Tu sais, c'est comme je disais, des réseaux, des échanges avec les gens. Moi, je rencontre plein de gens intéressants ces temps-ci, vraiment, là, bien plus que dans les 20 dernières années. Tu sais, essayer d'échanger avec les gens, c'était très difficile. Il y avait trop d'individualité. Mais là, c'est quand même plus facile. Tu sais, je peux. On peut faire du troc, toutes sortes de choses qu'on peut faire si on n'a pas des moyens. On peut échanger des vêtements. Moi, j'échange mes cours contre d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut trouver une autre façon de vivre, un petit peu plus, moi, je dirais simplement. Un petit peu plus léger. Moi, je voyage léger. C'est pour ça que je veux vendre ma maison. Je veux être plus légère, là. J'ai besoin de dégager parce qu'on est dans l'ère de dégager, ça doit être. Mais aussi parce que je veux être plus légère, plus. Ben, c'est ça. Plus Non, ça. c'est bien correct que si je t'emmène à présent sur une piste totalement différente, Oh. à savoir qu'est-ce que, dans le fond, ça te dit par rapport aux talibans là, qui, présentement, leur prennent le contrôle en Afghanistan, là, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? C'est de la diversion, ils sont payés pour. Ben, vous avez juste à regarder comment bidon, pardon, j'ai la misère à dire Biden. Biden. Sois poli, Mouna. Monsieur Biden, il a retiré les troupes tellement violemment que tu penses que c'est ce qui arrive. C'est organisé, c'est un coup. C'est comme une façon. Moi, ce que je vois, c'est un coup de diversion. Mais là, moi, ce que je Mais. voyais, c'est que c'était comme ils respectaient un engagement électoral, comme là, on va retirer les Américains, les soldats américains de l'Afghanistan, parce que sans ça, c'est comme un puits sans fond, puis ça fait au-dessus de 20 ans qu'on est en guerre avec eux autres. Fait que là, c'est comme ils faisaient une action, puis parce que les États-Unis ont quand même dépensé, je disais ça, 2 000 milliards depuis 20 ans. À faire la guerre en Afghanistan, ça coûte une fortune. Fait que moi, là, ce que je voyais, c'est qu'ils exécutaient une commande pour montrer au peuple que, regardez, là, on va arrêter ces dépenses-là folles, on rapatrie les soldats aux États-Unis. Oui, d'accord avec l'idée, mais de la façon qu'il a faite, ça marche pas l'idée. Tu peux. Tu mets tes propres soldats dans la marde en disant, bon, c'est fini. Les soldats sont quasiment en train de se sauver à la course. Ils ont même laissé. Ça fait qu'ils ont laissé plein d'armes. C'est drôle, comme ils se sont sauvés, mais on laisse nos armes, nos tanks, nos armes, ça s'en va aux talibans, ça. Hey! Hey! Non, non, c'est la façon dont ça s'est fait qu'il n'y a pas d'allure. Il remplit pas ce qu'il a dit, c'était qu'il voulait retirer effectivement l'armée de là, mais la façon dont il le fait, c'est comme si en fait il retire l'armée pour donner tout ce qui était. Ils ont même des avions maintenant, puis des bombes, puis tout d'affaires, ils ont tout laissé. Voyons donc. C'est un coup, c'est une diversion, mais c'est aussi un coup de comment dirais-je, de remettre les talibans au pouvoir parce que c'est payé par qui, tu penses, les talibans? Qui finance ça? Ben, c'est sûr que dans le passé historique, il y avait la CIA qui avait financé les talibans pour s'opposer aux Russes, puis il avait même fourni des armes. Sauf que les amis d'hier peuvent devenir les ennemis de demain. Puis là, c'est pour ça qu'il a été ennemi contre les Américains par la suite, dans le sens que là. Les talibans sont des terroristes islamiques. Puis tu es en train de nous dire que la CIA, qui est supposée faire quelque chose de correct, normalement, finance des terroristes. C'est intéressant. Puis on est assez épais pour penser que ce gouvernement-là, qui, comme les États-Unis ou d'autres, c'est pour nos beaux yeux là, qui vont nous rendre service. Voyons donc, tu comprends ce que je veux dire? On finance des terroristes. On donne de l'argent à des terroristes. Pas le Canada, mettons. Ben, le Canada aussi, je suis sûr qu'il y a des affaires de même, mais qu'on ne le sait pas. Mais aux États-Unis, on fournit de l'argent à des talibans pour combattre supposément des Russes. Mais des talibans, c'est carrément des terroristes. Là. Je suis désolée. Ce n'est pas des musulmans ordinaires, ça, là. Non, non, C'est c'est des fanatiques religieux. correct. Non, on ne peut pas rien que religieux, des hosties de malades mentales. Je ne sais pas si tu sais qu'est-ce qu'ils font comme rituel aux enfants, là. Tu ne veux pas être là. Non, Tu ne parles non, pas c'est deux langues. ça. Il y a question de pédophilie, là, entre autres, là. Ah, ils font vivre des violences extrêmes à leurs enfants, très jeunes, 7-8 ans. Les femmes, ils ont droit à rien. Tu sais, bon, ça, c'est terrible, là, mais ce que je veux dire, c'est que l'argent que les États-Unis ont fourni, puis je ne sais pas c'est qui, ça peut être la CIA, ça peut être le FBI, ça peut être Clinton, Bush, c'est tout le temps la même gang du 1 % là, qui finance des terroristes sous prétexte de faire la guerre à Russie. Ben ouais, on finance des terroristes faire la guerre à la Russie, mais après ça, on justifie ça comment? Là, ils viennent de. Mais c'est parce que ce que j'ai compris, en tout cas, j'ai écouté un documentaire qui expliquait que dans les années 80, au début 90, il y avait les deux blocs. Il y avait le bloc des Américains puis de l'URSS, puis ils se faisaient la guerre par des forces interposées, puis les États-Unis ne pouvaient pas déclarer la guerre officiellement à la Russie, fait qu'ils utilisaient les talibans comme intermédiaires sans que ça soit su, là, d'une manière clandestine, en leur donnant des armes pour lutter contre la Russie. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, mais là, ramène-le aujourd'hui, Oui, là. oui, Qu'est-ce qu'on a fait, là? Tu retires les troupes en 24 heures. Bye bye, tout le monde quitte, puis on laisse toutes nos armes là. oui. Non, non, c'est pas intelligent. Ah, ben non, mais c'est parce que c'est voulu. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est voulu. Puis l'objectif, c'est de créer un ennemi qui Talibans de est... pouvoir. Comment? En 24 heures, en une fin de semaine, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul. Hey, la gang, ça a pris des mois avant qu'ils se rendent là avant. Puis là, en 2 jours, ils sont là. Puis Ah. l'objectif derrière ça, c'est de créer un ennemi qui est fort au Moyen-Orient pour justifier, par exemple, est-ce que les Américains continuent là, de dépenser des fortunes en armement, puis tout ça. Il y a une question de pipeline aussi. Je ne sais pas ça. Je cherche pas trop. Comme j'ai dit, j'ai un peu OK. l'intellect mort depuis quelque temps, mais je sais que c'est sûr que c'est des intérêts financiers puis de contrôle de quelque chose. Ça, c'est sûr. Faudrait chercher. Mais d'après moi, c'est une question de. Il n'y a pas un néoduc qui doit passer une affaire, là. Moi aussi, j'ai entendu parler de la possibilité d'un oléoduc qui allait circuler là, dans le secteur. Mais le point que j'essaie de regarder par rapport à cet événement-là, c'est que pendant 20 ans, bon, les États-Unis, le Canada, il y a d'autres pays occidentaux, ils ont voulu mettre un gouvernement de transition en Afghanistan. Finalement, ben là, ils décident de. S'il avait vraiment voulu, il l'aurait fait. Excusez-moi, en 21 ans, t'as le temps de faire quelque chose, là, tu sais. 21 ans qu'ils sont là, le Canada, en Afghanistan. Moi, je connais des amis qui leur fils est là depuis plusieurs fois, là, en Afghanistan. Ça fait 21 ans qu'ils disent qu'ils vont mettre de l'ordre. Mais il n'y a aucune intention de mettre de l'ordre, c'est ça que je veux dire. C'est tout du Non, fake. non, mais t'as raison, parce que là, à un moment donné, ça s'étire dans le temps, là, on peut Pas douter de la bonne foi, mais tout ce fakeage-là, puis ces dépenses-là, justement au-dessus de 2 000 milliards pour les Américains, j'essaie tout le temps de comprendre à quoi ça sert, puis à qui ça rapporte. Ben, c'est toujours les lobbying d'armement. Premièrement, une démocratie avec du lobbying, on n'est même plus en démocratie. Hein? Mais C'est c'est les une lobbies d'armement. plutocratie déguisée, là, c'est-à-dire le pouvoir est à ceux qui possèdent l'argent, là. Oui, mais aux États-Unis, le lobbying de l'armée. De l'armement, oui. Là, je parle pas des gens qui ont le petit fusil chez eux, là. La Arrêtez. NRA, là, ouais. Arrêtez de capoter, là. Les Américains ne se tirent pas dessus, comme ils nous expliquent à la TV. C'est pas vrai, là. Ça, c'est organisé aussi. Ils engagent du monde pour tirer du monde. Mais je parle du lobbying, des milliards de dollars qui en enjeu à faire la guerre en vendant des armes, en faisant du trafic d'armes, de bunkers puis d'avions. C'est très payant. Alors, c'est sûr que ça sert à quelques personnes, tout cela. Ils font des guerres, ils font ce qu'ils veulent, ils créent des guerres d'un bord, ils en finissent une, ils repartent un autre. C'est fou, là. T'sais, à un moment donné, Mais il va c'est ça, falloir. quand tu regardes ça au niveau humain, tu sais, si tu penses à, mettons, en 20 ans, bon, à Kaboul, la femme pouvait aller à l'école, tu sais, il y avait comme une amélioration, puis là, les talibans qui reviennent prennent le contrôle, ça risque d'être un retour en arrière, puis on risque de se ramasser avec des femmes qui sont forcées de se marier, qui vont se faire violer ou qui vont être empêchées d'aller à l'école. Bien, même avant il y a 21 ans, si ma mémoire est bonne, et là, je vous dis, vous devriez vérifier, parce que la mémoire de Mona n'est pas toujours bonne. Je crois même qu'avant même tout cela, dans les années 50-60, les femmes allaient à l'école en Afghanistan. C'était Oui, pas comme avant ça. la prise de contrôle des talibans. Il y a 21 ans, des talibans, là. La guerre des talibans, il y a 21 ans, bien avant ça, je pense, des années 50, Oui, ben 60, j'avais eu 70. des photos avec des femmes qui portaient pas le voile à Kaboul avant la prise de contrôle des talibans. Puis après ça, ils étaient toutes voilées. Fait que c'était comme un retour en arrière. Mais là, j'ai l'impression qu'on risque de retrouver dans les prochains jours une espèce de retour en arrière pour la condition de la femme ou l'être humain en général là, en Afghanistan. Dans le monde, la condition de la femme, c'est pas jojo, hein. Si tu regardes le monde dans le monde dans son ensemble, c'est pas aussi beau qu'on le pense. Allez-y dans les pays voir ou cherchez l'information. Allez-y en Asie, c'est super! Blague, mais je trouve pas ça super. Les femmes en Asie, dans certains pays de l'Asie, comme la Thaïlande, ils sont donc fines, donc belles, mais vous savez pas grand-chose. On sait pas grand-chose. Mais je veux pas retra... Moi, ça... Je veux pas trop rentrer là-dedans, mais je Ok, suis pas c'est une correct. fanatique de la politique internationale comme. Je m'y intéresse, j'aime écouter des nouvelles internationales, mais je retiens rien. Je suis désolée, ça me passe comme dans un trou d'un cerveau. Mais ça m'intéresse, je suis intéressée, mais je suis pas capable d'en faire un. Je veux pas faire un propos de ça. Je suis plutôt une humaniste, moi, qu'une politique ou une économique. D'ailleurs, déjà, s'il aime l'économie, Jean de Flore, je le trouve très intéressant, sa vision économique du monde, puis comment il voit ça, lui. C'est Jean Morancy, je crois. Oui, ben, il y a un canal sur YouTube, donc puis un site web aussi, numeripresse.com. Donc des fois, je vais l'écouter, là. Il est très informé en matière d'actualité internationale. Je vous invite à. Tu sais, je pense qu'on développe des créneaux. Tu sais, j'écoute Berthold pour d'autres raisons. Ouais. Berthold, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas comment le décrire, mais je trouve intéressant ce qu'il amène. Économique aussi. Il y a une vision un petit peu plus politique. Une critique politique et économique qui est très intéressante. Go with it. Il y a plein de gens qui ont quelque chose à dire. Moi, je suis plus dans l'humain. Je travaille plus avec la psychologie humaine, c'est pour ça que je fais du coaching en psychologie évolutionnaire. C'est ma force de rebâtir quelqu'un qui est trop mal pris. Mal pris dans l'initiation solaire, on se fait démolir aussi au niveau des mémoires, de l'ego. Fait que ça peut aider d'être accompagné. Mais chacun développe une forme de spécialité, dans le fond. Avoir des écoles de formation un jour là, où avec des nouvelles approches quantiques, toutes sortes de choses qui s'en viennent. Bien, ça se Avec... passe déjà. Sur Internet, il y a plein de vidéos là, de conférenciers. Il y a plusieurs personnes qui parlent aussi. Oh, oui. Non, oui, ça, ben, la technologie est peut-être pas encore. Peut-être qu'elle est déjà développée, parce que je pense qu'on a beaucoup de retard sur ce qu'on nous dit versus ce qui se passe vraiment, là. Mais. J'ai écouté, regardez, c'est ça, je me rappelle pas, d'un petit vidéo d'un chercheur canadien, tu vas sûrement t'en rappeler du nom, toi, qui en fait travaille, c'est un autodidacte, en fait, qui a développé qui a étudié énormément Tesla, puis toutes ces technologies-là comme possible, puis qui est présentement en Allemagne, est payé par les Allemands, parce qu'il a dû immigrer là, le Canada l'a foutu dehors. Il est payé en Allemagne pour étudier comment dépolluer les mers avec des fréquences. Ah, non, je suis pas au courant. Hutchison. Je pourrais te le retracer, je t'enverrai le lien, je suis capable de le OK. retracer. Mais c'est un Canadien qui a 72 ans, qui a été travailler pour le gouvernement du Canada, puis qui a eu des problèmes avec eux autres parce qu'il n'aimait pas trop ce qu'il découvrait, peut-être. En tout cas, finalement, il était engagé par l'Allemagne, puis là, il est en Allemagne, puis son travail, c'est de. Il a découvert qu'il y a une possibilité que juste une fréquence précise d'onde dépolluerait les mers de certains. Une façon de dépolluer les mers. Je trouve ça intéressant, moi, ça. Moi aussi. Regardez où. J'ai de la misère à vous l'expliquer, parce que, comme je vous dis, ça me rentre par là, ça ressort par là, mais je retiens ce qu'il faut. Je suis pas une spécialiste de ça, je veux dire. Mais par rapport Peut-être aux technologies, là, Tribe 1 et Tribe 2, c'est deux documentaires que vous pouvez retracer notamment là, sur Odyssey. Puis l'idée du concept, c'est qu'est-ce que l'être humain ou l'humanité a à faire pour prospérer. Puis on parle de différentes technologies, dont Nikola Tesla. Il parle à un moment donné de quelqu'un en Afrique qui aurait développé un appareil qui permettrait de s'alimenter en énergie à partir du cosmos. Donc, c'est ça, là. Mais ce qui est tordu dans le film, c'est puis des technologies pour guérir du cancer, puis plein de choses. C'est qu'il y a tout le temps des inventions qui sont supprimées ou ça lève jamais. Il y a tout le temps un paquet d'obstacles qui fait que ça devient jamais mainstream. Tu sais, ça devient jamais public sur les médias de masse. Fait que moi, je commence à être tanné parce que Nikola Tesla, ça fait longtemps, là, ça fait depuis les années fin 1800 là, qu'il a fait ses inventions, là. Mais ça sort jamais au grand public. Tu sais, l'énergie libre, même écoutez, il y a des centaines de documentaires. Comment? D'ailleurs, l'énergie libre, là, Jean Morancy, il en parle que ça aurait changé le monde tellement, ça, qu'ils ont voulu qu'ils ont caché ça, c'est ça. Ben oui. Ben oui, mais David, ça fait toute partie de ce qu'on appelle l'involution. C'est qu'aussitôt quelque chose d'intéressant, c'est récupéré, caché, on essaie d'empêcher le développement de ce qui pourrait rendre les gens libres, en fait, de plein de choses. C'est Moi, ça. j'ai rien contre la technologie. En passant, j'aime pas trop me faire traiter de traditionnaliste, là. J'ai rien contre la technologie, mais je me méfie de qui se sert de la technologie. T'sais, parce que là, on me dit, mais là, Mona, les vaccins, la génétique, c'est peut-être, oui, peut-être que c'est intéressant, oui, d'avoir des robots qui font mon ménage, là, mais moi, je ne veux pas devenir un robot qui fait le ménage pour les voisins, par exemple. Non, T'sais, exactement. le problème, ce n'est pas le développement technologique qu'on a, c'est qui s'approprie ça, puis pour l'appliquer comment? Ben, exactement. Ici, parce qu'ils cachent des bonnes affaires, C'est ils veulent ça, pas c'est parce que qu'on. moi, ce qui m'achale dans cette histoire-là, depuis environ 20 ans, c'est tout le temps des technologies, essentiellement le contrôle qui sortent. Reconnaissance faciale, ensuite, là, on va sortir le passeport numérique, identité numérique, ensuite, les mouchards, je les appelle les mouchards intérieurs, c'est-à-dire comme Google Home ou des machines de reconnaissance vocale puis des assistants vocaux. Qui vont, dans le fond, enregistrer les conversations, saisir l'information, mais c'est tout le temps des technologies qui servent à t'espionner ou à te contrôler. Puis t'en as pas une maudite technologie qui te permettrait d'alimenter ta maison d'une manière autonome, Ouais, puis on a perpétuellement. avoir des ordinateurs qui fonctionnent vraiment bien sans que ça soit. Tu sais, là, la tablette fixe pas avec C'est l'ordinateur, puis le ça, des téléphone. problèmes de compatibilité ou une mise à jour, une fois que tu fais une fois de temps en temps, puis là, c'est progressivement l'ordi qui fonctionne au ralenti avec l'obsolescence programmée pour t'en racheter un 2 ou 3 ans après. Moi, je commence à Ouais. être tanné, tu vois, ça me fait monter un petit peu en colère. C'est tout le temps de l'hostie de marde, de l'hostie de scrap, ce qu'on nous présente comme technologie essentiellement. Il n'y a rien qui est viable à long terme, puis ça fait de la pollution, puis il y a le greenwashing. Tu sais, on nous vend des écrans de TV Energy Star. La TV garantit un an. Bravo. Tu sais, c'est des produits jetables. Même une TV qui vaut 5 000 $ est garantie un an. Tu réalises-tu l'aberration? Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi. Même juste regarder, on nous parle du plastique. Oui. Ils nous font sentir. En fait, l'idée, c'est d'essayer de nous faire sentir que c'est nous autres le problème. Mais c'est drôle au bout parce que je disais ça à ma soeur l'autre fois, la sensibiliser un petit peu. Le plastique, on parle du plastique. Il y a combien de maudits produits de shampoing différents dans une pharmacie, dans des contenants de plastique, entre autres? Il y a que la quantité de produits inutiles, là. Éliminez-moi tout ça, là. Gardez-moi un shampoing pour les pellicules, puis un shampoing pour les cheveux normaux, puis gras, là. C'est pas nécessaire, tout ça. Tu comprends? On multiplie les produits, puis après ça, on nous dit, vous polluez! Hein, mais c'est qui a fait la crise de produits? Pas moi. C'est qui nous met des affaires, comme tu dis, préprogrammées pour finir? Tu sais, une laveuse-sécheuse, ça dure même plus 10 ans, là. J'ai même acheté un frigidaire. Ben, j'ai gagné ma cause. J'ai acheté un frigidaire neuf, moi, il y a 2 ans, 3 ans. Puis, silencieux, condition. Le vendeur, énervé comme la puce, toi, 2 000 $ le frigo, ben, 1 600 $ le frigo. Madame, je vous le dis, c'est garanti, silencieux, c'est marqué sur le papier d'Alger. Pas du tout silencieux, ce frigidaire, je vous le garantis. Il y avait des ultrasons en plus que je capte, moi. En tout cas, bref, j'ai fait une poursuite, j'ai gagné ma cause, j'ai eu mon chèque cette semaine. Mais ils nous font des appareils de marde. Il ne faut pas croire qu'ils Exact. ne peuvent pas faire des motos silencieuses. On se tape des motos en ville, là, blé, brin, ça fait du. Ça existe, là, ça existe, mais ils ne veulent pas ils veulent pas nous aider, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est un peu écœurant. Mais c'est fini, c'est ça, je dis. C'est ça la fin de tout ça, Mathieu, j'allais t'appeler. David, c'est la fin de tout ça. Puis on est écœuré, puis justement, plus on va être écœuré, plus ça va finir. Parce qu'il faut s'en écœurer, puis arrêter de consommer aussi à un moment donné. Non, Moi, je exactement. j'ai changé mes habitudes de consommation depuis au moins 30 ans. Et je vis très simplement dans la vie. Moi, là, j'ai pas 15 paires de chaussures, je nettoie. T'sais. J'ai pas 2 500, je sais pas, moi, j'ai 300 chandails et pantalons ici. J'ai rien de tout cela. J'ai un manteau d'hiver, mais pas toi. Il faut se remettre en question individuellement, puis il faut commencer par changer nos affaires à nous. Si on ne les consomme pas, Oui, il y avait plus de sel. Non, exactement. Mais ça, il faut qu'il y ait une masse critique pour que ça fasse une pression sur les entreprises pour qu'ils revoient leur modèle d'affaires puis leurs produits. Ouais. Ben, Peut-être que ça écoute. viendra avec le temps. Là. Tu sais, comme là, la consommation de vaccins, là, on parle après le deux doses. J'avais annoncé ça à du monde il y a une couple de semaines. Je passais encore pour un fou. Les autres, ils pensaient qu'après le deux doses, c'était fini, là. On retrouvait les libertés parce qu'au printemps, François Legault, il a dit si 75% des Québécois sont vaccinés deux doses à l'automne, c'est au mois de mai, c'est enregistré. Et le studio faisait jouer ça récemment. Mais là, vous allez pouvoir à l'automne être libre. Puis là, finalement, on se rend compte que les gens sont vaccinés deux doses, puis ils portent encore le masque, ils sont pas libres. Puis là, on programme progressivement les gens pour une troisième dose. Puis là, j'ai annoncé aux gens qu'après la troisième dose, ils vont être sans doute une quatrième, une cinquième, tant aussi longtemps que les gens ne seront pas écœurés, mais ils vont continuer. Puis ça va être un abonnement un peu comme l'antivirus sur un ordi. À chaque année, il faut que tu renouvelles ton antivirus, mais il va falloir que tu renouvelles ton dosage, un peu comme renouveler son abonnement à la salle d'entraînement pour que la carte, le passeport soit activé pour que tu puisses entrer dans les commerces. Ben, tout à fait, mais facile l'annoncer, là, ils viennent nous dire que ça nous prendrait 3 doses par année. Ben, c'est ça. Il le dit, là. Ils vous le disent, le plan en passant. Il faudrait écouter les nouvelles, pas TVA Merdia ou Radio Cacane. Non, non, non, non. Changer de poste de TV, ça marche pas. Aller ailleurs. Mais facile, il le dit, 3 doses par année minimum. Puis je voulais faire Il va une... Ouais. tester notre système immunitaire par une picouille, c'est ça que ça veut dire. Mais ça attaque le système immunitaire, ce qui pique. Hein? À force d'inflammer ton système immunitaire, à un moment donné, il ne fera plus sa job, là, parce que ça inflamme, ça, là. Là. C'est Ben, une fois. c'est ça que j'allais emmener, c'est qu'il risque d'avoir des effets secondaires importants, puis on risque de devenir dépendant, puis avec peut-être un système immunitaire, peut-être même qui va devenir sous-développé avec le temps, parce qu'on est surprotégé avec un paquet de doses, là. Informez-vous sur la protéine Spike. Pas beau. Moi, je ne le ferai pas ici, là. Je suis fatiguée. On va quitter Non, bientôt. je comprends, c'est bien correct. Vous devriez vous informer sur, dans la thérapie génique. Je viens de le dire, je l'ai déjà oublié. Protéine Spike. Oui. Allez chercher là-dessus. C'est très important que vous vous informiez. Puis allez pas voir Arruda, là, au généticien. Là, chez moi, Arruda, s'il vous plaît, j'ai un comité scientifique. Savez-vous, c'est qui le comité scientifique du Québec, c'est Arruda? Oh, secours! Non, mais c'est comme s'ils me mettaient moi là. Excusez-moi, c'est aussi incompétent que ça. Là. Avec sa petite pine du Nouveau Monde, sa crise de Des pine de l'eau. objectifs globaux d'ici 2030, ils participent à cet agenda-là. Tu sais, les gens, tout est dans votre face à regarder comme faux l'épinglette qu'il y a. Tu sais, Pinglette parce qu'elle signifie quelque chose. ben c'est ça. Drapeau du Québec qui est là, les amis. Non, c'est comme si sa priorité, son allégeance, c'est pour les forces mondialistes et non pas le Québec en priorité. Ouais. Puis il y a une chose que je veux dire en finale, parce qu'on peut terminer là-dessus. Oui. Moi, j'en ai ras-le-bonbon d'entendre le monde me dire on ne peut rien faire. Puis capable. Je suis sur le bord de péter une coche de plomb. C'est pas vrai. Ça fait partie du petit jeu aussi. C'est pas vrai qu'on peut rien faire. On peut tous faire un petit quelque chose. Peu importe la chose que vous déciderez de faire, que ce soit une solidarité, il y a du monde mal pris, là, présentement, il y a du monde qui souffre énormément. On a quelque chose à faire. Ah, oh, ben là, moi, je travaille avec mon corps, je crois à mort dans le ciel. Hey. OK. Mais, pas d'accord avec ça, moi. Je suis désolée. Laissez faire les plans occultes, là, puis occupons-nous de notre cul. Puis la planète a besoin de nous autres. Mais moi, je dirais agir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des combats au niveau occulte, des contestations, puis ils ont leur fonction, mais sans... Minute. Qu'est-ce que tu viens de me sortir là? Des combats occultes. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Le dernier que j'ai connu qui a fait un combat occulte avec l'astral, c'est tiré une balle. Hey! Ne nous affole... On Ben... puis laisse faire le style plan astral, puis les autres galactiques, machin. Oui, on. Ah, excuse-moi, Mais non, là, mais là, ici, là, je. attends une minute, combat occulte, je l'attendais dans le sens de se délivrer de l'astral, de se dépolluer individuellement de l'astral. Ouais, C'est individuellement. ça. Mais laisse faire ton petit combat avec les forces, tu vas y laisser ta peau. Pas toi, je parle pas à toi, Non, je David, tu comprends ce parles. que tu veux dire. Faites pas ça, ouais, mais ça, je l'entends souvent, celle-là. Ah, mais il faut faire le combat. Combat de quoi? Commence par t'organiser ton cul, pis être bien. Occupe-toi de toi, là, puis laisse faire les plans astrales. T'es déjà pogné avec ta propre astralité. T'as même pas besoin de penser à évoluer. Je suis plus capable d'entendre ça non plus. Je veux me développer en conscience. Tu peux pas vouloir te développer en conscience. T'es programmé pour, Chris. Mais pas, je veux me développer. Déjà, t'es dans la marde. Ils vont tous débarquer les entités et te faire chier. Non, ça soit une volonté de l'ego. Mais, Ben ouais, ouais. mais je l'entends souvent, ça. Moi, je veux me développer en conscience. C'est tout ce qui m'intéresse. Ouais. Et ça me pompe. C'est pas contre la personne. Ce qui me pompe, c'est cette crise de croyance. Oh, mon Dieu, fatigué. Non, mais je comprends, c'est bien correct. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bon, les manifestations, les pétitions, de faire des vidéos sur YouTube, il y a plein de monde qui me disent, ben ça donne à rien. Tu vois, les gouvernements reculent pas, ça fait un an et demi qu'ils font la pluie puis le beau temps avec vous autres, puis ils vous imposent des choses, puis ouais. Ben, vous irez dire ça, c'est qui le noir là, qui a sorti les noirs de l'esclavage aux États-Unis? Comment il s'appelait? Ben il y en a eu plusieurs, il y a eu Martin Luther King. Ça ne donne rien. Qu'est-ce que tu fais, niaiseux? Arrêtez, je suis plus capable. Il y a des gens qui ont une fonction sur la Terre, de faire des combats comme ça, ou de libérer. C'est pas vrai que ça ne donne rien. Peut-être que vous n'avez rien à faire là-dedans, mais arrêtez de juger ceux qui le font, tabarnak. Parce qu'il y en a du monde qui doivent le faire. C'est leur fonction. La partie de ce compte-là, on continue. Voyons! Oh, arrêtez, puis Non, je mais m'énerve, je comprends ce que tu veux dire. là. C'est une Ouais. comédie que je vous fais en Non, passant. C'est pas que mais ça m'énerve. c'est bien correct. Mais le point, c'est que ça fait au-dessus d'un an et demi. Puis comme tu l'as vu, comme moi, il y a eu des marches au printemps. Là, il y a eu une marche récemment. Puis le gouvernement, il n'a pas reculé par rapport à son agenda. Ouais, ben moi, j'ai été dans à peu près toutes les marches. Là, au début, on était 3 000, puis on est rendu 125 000. Excusez-moi, ça donne quelque chose. C'est pas vrai. Ça donne au moins un rassemblement, ça donne au moins l'idée de se rassembler. C'est ça, mais je Puis veux ça. dire, par rapport à l'imposition du passeport vaccinal, puis l'état d'urgence, puis les mesures, on n'est pas revenu en arrière. Non, mais le passeport sanitaire, ça va devoir, ça va falloir que ça passe par le judiciaire, ça. On est à une autre étape, là. On passe à une Ben, Ontario. justement, au niveau judiciaire, puis au niveau la Fondation des droits et libertés, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils font des démarches. C'est long, le judiciaire, David. Très, Oui. très long. Ça, j'en doute pas, mais... Étirer ça. Mais ouais, mais est-ce que vous ne comprenez pas? Peut-être c'est l'opposition contrôlée, mais moi, ça, là, je trouve que c'est plutôt Martineau qui est en opposition contrôlée que la Fondation, là. Mais donnez-leur une chance. Colin, au Québec, là, on est tellement capable de couper les jambes du monde avant même qu'il ait existé. Premièrement, là, ils sont pas parfaits, puis nous autres non plus. Mais il y a quand même des démarches qui ont été faites. On verra, là, il y a quand même des positions. Ils peuvent quand même pas poursuivre le gouvernement quand il n'y a rien d'appliqué vraiment. T'sais. Ça prend une loi qui agisse. Tant que c'est rien que dans les airs, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. T'sais. Mais Puis. ça, je le comprends par rapport au passeport vaccinal, mais si je pense au port du masque, parce que ça fait quand même au-dessus d'un an qu'ils sont sur le dossier, de vouloir donner une chance aux coureurs, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, quand ça fait un an qu'ils sont sur un dossier, puis il n'y a rien qui avance. David, ça a été plaidé le 13 août là, pour les masques. Mais ça fait des mois qu'ils ont déposé. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le système de justice dans lequel nous sommes, ils vont tout faire pour retarder le moment aussi. Moi, non, Ils je sont comprends pas. notre système de justice, là, pensez pas que c'est de la justice, là. Ils sont noyautés aussi, puis c'est ça qu'ils testent présentement. Qu'est-ce qui est noyauté au Québec? Parce qu'on sait qu'il y a une mafia médicale, mais on n'est pas sûr qu'il y a une mafia judiciaire. On cherche. Puis en passant, écoutez bien ceci, juste un exemple. Oui. Je sors de l'exemple de ça, là, mais je vous donne un exemple d'une corruption de ça. Pensez pas que tous les avocats sont super gentils, intelligents et fins pour vous, là. Le gars que je vous parle, là, tantôt, qui n'arrache, là, il y a une avocate qui a écrit une lettre à ce jeune-là, là, qui a passé par le propriétaire, qui est allé engager une avocate, qui a envoyé une lettre à la personne dont je travaille avec, puis c'est totalement illégal. Puis la lettre, là, c'est une avocate qui signe ça avec la loi du Code civil. Je l'ai sortie de moi, la loi du Code civil, puis je te dis qu'elle dit d'autres choses que ce qu'elle dit, elle, en crise. C'est ça, je veux dire, il y a de la corruption partout, que ce soit individuel, au niveau social, les tribunaux. C'est ce que la beauté de la chose avec Trump fait, là, c'est ça. C'est qu'il a dévoilé la marde. Il a commencé par attaquer les médias pour leur dire que c'était des fake news qu'il faisait il y a 4 ans. Regardez où est-ce qu'on est, là. C'est toutes des fake news. Il n'avait pas tort. Ouais. Je dis pas que c'est Dieu, Je vous dis, il y a une fonction, il a dénoncé ça. Là, il démontre que le système de justice ne fonctionne pas. Aux États-Unis, en passant, là, ils ont le droit, après une élection, de demander un recomptage. Ça fait partie de leur constitution. Ça a été refusé complètement. Excusez-moi, il est trop tard pour faire le comptage des élections. C'est encore plus brillant. Il est en train de démontrer qu'il y a eu de l'ingérence politique étrangère. Fait que ça va faire sauter le bidon. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir, il faut dévoiler, il faut tester le système. Puis la Fondation, c'est ce qu'ils font. Ils testent le système présentement. Puis si le système ne marche pas, il ne nous reste rien qu'une solution, c'est le peuple dans la rue. Ben, le peuple dans la rue, comme tu l'as dit récemment, il y a eu une manifestation, puis beaucoup de personnes qui ont été là. Mais les gouvernements n'ont pas reculé devant leurs mesures. Là, t'sais. Ils n'ont pas dit « Ah, on va laisser faire avec le projet là, de passeport sanitaire pour l'automne. » Ils ne reculeront pas! On en reparlera, David, je suis trop fatigué. OK. Oublie ça, on serait 500 000 dans les rues ou 2 millions qui ne reculeraient pas. Ils n'ont plus le choix d'aller de l'avant. Mais c'est parce que si le gouvernement ne met pas de l'eau dans son vin sous la pression du peuple, à un moment donné, on va se ramasser avec des gens qui vont casser des vitrines ou ils vont en escalade dans la violence, là. Non, il faut juste pas réélire ou faire une demander la dissolution de ce gouvernement. C'est tout. Demander qu'un gouvernement qui gère en nom des mesures d'urgence, qui s'est accaparé le contrôle, on va lui demander « Voudrais-tu te dissoudre, s'il te plaît, alors que lui a pris les pleins pouvoirs? » David, oui. L'Islande, son 300 000, Christ l'ont fait avec le gouvernement, puis nous autres, on est trop taouins à 8,5 millions. Vous connaissez pas vos histoires, les amis. L'Islande a sorti de leur gouvernement, puis son 300 000. Mais on va s'arrêter là-dessus, les amis, parce que j'avais dit à David que je voulais peut-être... Non, c'est bien correct, écoute, je te respecte là-dessus, c'est bien parfait. Donc, on termine cet enregistrement. Je te remercie encore, comme d'habitude, pour ta participation. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous avez envie de faire un cours en compagnie de Mona, que ce soit en présentiel ou à distance de yoga ou de pilates thérapeutique, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de Sourde École en bas de l'enregistrement présent. Et puis, pour les gens qui aiment écouter mes enregistrements au complet, ben vous pouvez naturellement vous abonner à ma chaîne sur Odyssey. Qui est un espace de diffusion là, très libre sur le web. Donc, je vous encourage à vous abonner dès maintenant. Donc, bonne fête de soirée, Mona. Merci, David, pour ce temps avec vous. Puis, je vais juste faire une petite... Je sais que les gens qui sont dans le développement de conscience ou de... Quand ils entendent le mot yoga, ils pensent à Bernard qui dit « il y a toutes sortes d'affaires sur le yoga ». Mais fiez-vous sur moi que ce n'est pas du yoga ordinaire que je pratique. Je ne pratique pas la méthode yoga traditionnelle, ni le pilates. Puis je tiens à le préciser, parce qu'il y a des gens qui ont cette croyance, je ne suis pas du tout spirituelle. Je ne touche absolument pas à ce qui est d'origine de l'Inde. Moi, je pense que l'Inde, c'est pas ses dates. Mais il y a moyen d'upgrader tout ça, c'est ça que je veux dire. Puis soyez bien à l'aise de venir essayer, si ça vous tente sur Zoom. Ça peut être gratuit. Souvent, je donne mon premier cours sur Zoom gratuit, c'est pour ceux qui veulent tester. Alors voilà. Oui, et c'est pas du yoga ordinaire, étant donné que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Oui, c'est vrai. non, mais il faut quand même que je te fasse quelques compliments. Allez, je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Prenez soin de vous. Plus important que tout le reste. Parfait. À bientôt. Bye-bye. Bye.